La Comédie Française interprète pour vous les chefs-d'œuvre du théâtre comique. Une émission de Jacques Régnier et Jean Debert. Pour rendre hommage à M. Martial Achard, qui est un auteur du répertoire et qui vient d'être élu à l'Académie Française, la Société des comédiens français vous propose d'écouter une fois encore ce soir Jean de la Lune, une comédie en trois actes. Vous vous rappelez sans doute que c'est avec Jean de la Lune que notre émission a pris le départ voici maintenant 2 ans. Souhaitons que cette soirée vous donne autant de plaisir que la première et qu'elle vous porte bonheur comme elle a porté bonheur à son auteur. Bon, voici quelle en sera la distribution. Messieurs Jacques Charon, Jeff, Robert Hirsch, Clo-Clo, René Arieux, Richard, Mademoiselle Yvonne Godot, Marceline, Denise Jans, Louise et Magali de Vandeuil, Étiennette. Premier acte, le studio qu'habite Jeff. Ce n'est pas immense, mais confortable. La pièce est éclairée par une grande fenêtre et quelques portes permettent de s'échapper un peu de tous les côtés. L'une vers la chambre du maître de maison, l'une vers l'antichambre et l'extérieur, une autre vers une pièce, où il y a un piano. Vous allez voir que ce piano est un acteur important dans la pièce. C'est, dit l'auteur, l'intérieur d'un homme de goût. Louise, qu'est-ce que c'est que ça? C'est le porto. Mais pas sur la table, voyons. Faut le tenir près dans l'armoire, avec le plateau et les deux verres pour faire voir que j'y ai pensé, mais pas sur la table. J'aurais l'air de croire qu'elle va accepter d'en prendre. Bien, monsieur. Oh, vous paraissez ahurie, ma fille. Ma parole, on dirait que c'est la première fois qu'une femme vient ici. Ma foi. Oh, mais pourquoi diable avez-vous astiqué les meubles comme ça? Et pour faire honneur à cette dame. Vous ne lui ferez certainement pas honneur. Car c'est moins bien tenu chez elle, et puis alors moi, j'ai l'air d'un homme d'intérieur, c'est gai. Excusez-moi. Mais ces coussins, vous n'allez pas laisser ces coussins, on ne voit qu'eux, on dirait qu'ils attendent, c'est inconvenant. J'ai cru bien faire. Comme monsieur avait mis son veston d'intérieur. Un peu de désordre, que diable. Oh, mais d'habitude. D'habitude, oui, mais aujourd'hui, j'attends quelqu'un. Alors, toutes les fois que monsieur attendra quelqu'un, faudra tout ficher en l'air. Oh, mais non, oh, et ces fleurs, je vous avais dit de ne pas mettre de fleurs. Ben pourtant. Dans ces cas-là, les femmes n'aiment que les parfums artificiels. Excusez-moi. Je ne savais pas. Oh, vous ne savez jamais rien. Vous n'avez donc jamais attendu d'homme, vous? Ah, oh, si. Ah oui? Oh là là. Alors, hein? Seulement moi, je ne m'occupais pas du tout de la chambre. Je ne m'occupais que de moi. C'est pas si bête ce que vous dites. Voilà. Voilà, ça y est, c'est bien ma veine, j'ai un bouton. Où? Bah, sur le nez, naturellement, zut alors. Oh, c'est vrai? Oh. Mais on ne le voit presque pas. Oh, presque pas. Je ne vois que lui, moi. Vous aviez bien besoin de me faire regarder dans la glace. Maintenant que je sais que j'ai un bouton, je vais être gêné, je vais bafouiller, je vais avoir l'air idiot. Ne le grattez pas, voyons. Non, mais c'est qu'il me démange en plus. Mettez un peu de crème. Non, allez, ça ira. Oh, comme monsieur est nerveux. Depuis 6 ans que je suis chez monsieur, j'ai jamais vu monsieur aussi nerveux. Ah, c'est que cette femme. Ah, cette femme, Louise, c'est la femme de ma vie. D'ailleurs, c'est peut-être votre future patronne. Monsieur pense à se marier? Ah, si elle veut, oui. Mais d'après ce que vous dites, c'est pas une femme d'intérieur. Oh non. Alors je pourrais peut-être rester chez monsieur. Mais sûrement. Monsieur fait sa demande aujourd'hui? Oui, si j'ose. C'est une veuve? Non, non. Une divorcée? Non. Ah, c'est une jeune fille? Oh non, c'est la maîtresse d'un de mes amis. C'est très mal ça, monsieur, très mal. Bah, si elle ne l'aime plus. Hein? Ah, évidemment. Tenez, moi aussi j'avais un homme que j'aimais plus comme ça. Eh ben, rien n'y a fait. Pleurs, grincement de dents, et je te tue, et je me tue, rien. Je suis partie avec un autre. C'est pour dire. Et puis d'un autre côté, si elle aime monsieur. Ben ça, je ne sais pas, je ne lui ai pas encore demandé. Vous avez besoin de lui demander pour savoir? C'est elle. Je vais ouvrir. Non. Elle m'avait bien recommandé de vous donner congé. Elle voulait que nous soyons seuls. Allez faire une course, n'importe laquelle, mais une course d'une heure. C'est ça. Je vais aller au cinéma. Excusez-moi, je suis un peu en retard. Pardon? Je dis, je suis un peu en retard, excusez-moi. Mais j'avais des amis dans le quartier, j'en ai profité pour leur rendre visite. Ben, c'est gentil chez vous. C'est coquet. Très bel immeuble. Le concierge balayeur l'air d'un brave homme. Vous devez vous tromper d'étage. Pas du tout. Marceline n'est pas encore arrivée. Oh, je lui avais bien dit. Hein. Je parie que j'arriverai avant toi. Comme ce monsieur me connaît pas, il y aura des présentations à n'en plus finir. Oh, ce qu'elle est embêtante. Mais à qui ai-je l'honneur? Oui, oh ben, vous, naturellement, vous n'en voyez que le bon côté. Mais encore une fois, qui êtes-vous? Je suis son frère. Le frère de Marceline. Enchanté. Son vrai frère. Mais parce qu'à un moment donné, elle en a eu un autre. Un faux. Un muf, d'ailleurs. C'était pas moi. Ah. Non, je n'étais pas à Paris à ce moment-là, c'est pourquoi. Sans ça, je faisais mon service militaire à Sidi Bel Abbès, dans les Zouaves. Les campagnes d'Afrique, j'en ai plein le dos. On y marche bien trop vite, on n'y boit que de l'eau. La, la, la, tchan, tchan. Oui, d'ailleurs, ce serait trop long à vous expliquer, ça. Oui, peut-être. Hey, on pourrait pas ouvrir un peu la fenêtre? Oh, si, pourquoi? Vous trouvez pas que ça sent mauvais, ici? Ah? Oh, si même on pouvait établir un petit courant d'air. Hein? Comme vous voudrez. Drôle d'odeur, hein? Elle part pas. Oui, c'est le parfum. J'ai un peu vaporisé la pièce. Je croyais que vous étiez fleuriste. Ah non, pas fleuriste. Artiste en fleurs. Ah. Bah, faudrait carrément mieux vous servir de vos produits, hein. Oh, remarquez, je suis pas l'ennemi des parfums. Seulement, pas trop, n'en faut, comme disait mon ami Chaussin. Oh, un rigolo, celui-là. Bah, c'est l'auteur de la chanson... C'est parce que je t'aime que tu m'aimes quand même. Tu m'aimes pour mon amour, donc tu m'aimeras toujours. Il y a 10 couplets comme ça. C'est charmant. D'ailleurs, j'adore les chansons. Écoutez. Oh, qu'est-ce que vous avez sur le nez? Oh, c'est un bouton. Oh, c'est très embêtant les boutons, hein. Surtout quand c'est des furoncles. Chaussin, tenez, Chaussin, il a eu un furoncle à la fesse. Oui, alors, aucun rapport avec votre bouton, naturellement. Mais est-ce qu'il a souffert? Ah. Oh. Il pouvait plus s'asseoir. Moi, je peux. Comment? Je peux m'asseoir. Oh, mais voyons, naturellement. Vous m'êtes très sympathique, d'ailleurs. Merci. Ah, y a pas de quoi, je le dis comme je le pense. Alors, je voudrais vous poser une question. Posez, j'adore les questions. Vous me promettez d'y répondre. J'adore répondre. Je réponds même quand on me demande rien. Est-ce qu'elle va venir? Marceline? Oui. Oh, quelle drôle de question. Je vous dis que je l'attends. Elle ne vous envoie pas à sa place. Non. Elle ne vous a pas chargé d'un message pour moi. Non. Et elle vous a dit de venir. Bah ouais. Elle vous a dit de venir. Écoutez, j'adore répondre, mais pas toujours à la même question. Je ne comprends rien. À quelle heure vous a-t-elle dit de venir? Elle m'a dit, arrive de bonne heure, le plus tôt que tu pourras. Seulement, j'avais des amis à voir dans le quartier, excusez-moi. Ça, je ne comprends pas pourquoi elle vous a dit de venir. Nous lui demanderons tout à l'heure. Oui. Vous êtes musicien? Non. Dommage. Pourquoi? C'est toujours dommage de ne pas être musicien. Oui, ça c'est vrai. Et vous avez pas de piano, alors? Je ne suis pas musicien, mais j'ai un piano. Bah parfait, où est-il? Là, dans ma chambre, à côté. Vous permettez, en attendant ma sœur, je voudrais voir quelques mesures. Ah, vous êtes pianiste? Non. Les pianistes sont mes interprètes. Je suis compositeur. Ah. Bah, c'est moi l'auteur de... Ti la la la di la la la la la la la la la la la la la la la la. La, la, la, la, la, la, la, la. Vous connaissez? Non, excusez-moi. Ah. Bon, il est vrai que comme je chante faux, vous pouvez pas reconnaître l'air. Hein. Ah, ça ne vous gêne pas dans votre métier? Je chante faux, mais j'entends juste. Oui, oui, oui. Bon, d'ailleurs, je chante faux, c'est entendu, mais je chante tout le temps. Bah, faut bien, n'est-ce pas, pour la composition. Mais qu'est-ce que vous composez? Des valses. Je suis un spécialiste de la valse. Ah, j'adore travailler à trois temps. Ah, c'est joli, la valse. Ah, bon, j'ai composé aussi 5 ou 6 nocturnes, mais ça se vend pas, ça. Non, alors, je fais des chansons, surtout. J'ai peut-être fait 200 chansons. 200 ah, hein. Mais tout ceci, c'est rien. Hein. Je prépare un oratorio. Le désert. Je crois qu'il y aura des grincements de dents. Ah, ce sera très moderne. Non, des grincements de dents chez mes confrères. Ah, c'est une œuvre, je vous le dis. Le désert. Ça me travaille depuis Sidi Bel Abbès. Exprimer le silence par la musique. Oui, ça peut être, je ne suis pas musicien. Il n'y a pas besoin d'être musicien pour apprécier ma musique, au contraire. Ah. Je parle au cœur plus qu'à l'oreille. Ben, c'est ce qui explique mon succès. Car tout le monde a un cœur et tout le monde n'a pas d'oreille. Très juste. Hey, je vais vous jouer ma dernière valse. C'est ça, oui. Dis, il est bon votre piano? Oh, ça vous savez. Bon, non, on va voir ça. Hein. Oui, quel est le titre de cette valse? Le titre n'est pas de moi. Ah. Mais qu'attend-elle? Que fait-elle? Et pourquoi a-t-elle dit à son frère de venir? C'est joli, hein? Oh oui, c'est ravissant! J'ai peur de comprendre. Pourquoi vous venez pas? J'aime mieux la musique de loin. C'est un peu haut pour moi, ça. Mais qu'est-ce que c'est que ce type? Vous connaissiez, n'est-ce pas? Non, pas du tout. Ah. Eh, je connais un très bon accordeur. 14 rue Vite-Gousset, monsieur Ruffec. Vous devriez noter l'adresse. Pourquoi? 14 rue Vite-Gousset, monsieur Ruffec. Je m'en souviendrai. Oh, ça, vous n'êtes pas musicien, c'est incontestable. Hein? Est-ce que votre sœur vous a parlé de moi? Elle m'a dit... Je vais te faire faire la connaissance d'un garçon charmant. Bon, mais pourquoi aujourd'hui? Je sais pas. Elle a pas menti, en tout cas. Pardon? Je dis, elle a pas menti, vous êtes charmant. Ah, oui. Elle m'avait dit, on prendra le porto. Mais elle n'a pas menti. Vous devez me trouver sans gêne, mais j'ai soif. Non, prenez ce verre-là, voulez-vous? Oui. Vous buvez pas? Non, j'attendrai Marceline. Comme il vous plaira. Encore un peu? Oh, bien volontiers. Il est bon, hein? Vous le payez combien? Oh, mais je ne sais alors... Non, parce que j'ai une adresse épatante. 41 rue Neuve-Sainte-Apolline. Provenance directe, garantie d'origine. Et je suis sûr que je le paye 10 francs de moins que vous. N'avez qu'à dire que vous venez de ma part. Merci. Ouais. Si vous avez besoin de tapis, de phonographes, de fauteuils de cuir, de tableaux anciens, d'appareils de chauffage ou de voitures d'occasion, j'ai des adresses épatantes. Merci, merci. Et n'allez pas croire que je touche des commissions, hein? Oh, je fais ça pour rendre service aux amis. Je les fais profiter de mes relations. Vous avez beaucoup de relations. Oh, forcément, dans la musique. J'y penserai. Hey. J'ai aussi une adresse de fleuriste, mais ça vous intéresse pas, hein? Non. Bah d'ailleurs, maintenant, je donnerai plutôt la vôtre. Merci. On a sonné. Oh oui, c'est elle. Non, ça, c'est un télégraphiste. C'est le petit coup sec des télégraphistes, ça. Je le connais, vous pensez, j'en reçois 4 ou 5 par jour. Bonjour, c'est moi. C'est vous. Oui, eh ben, t'as un coup de sonnette de télégraphiste, toi. Bonjour, toi, il y a longtemps que tu es arrivé? Un petit quart d'heure. Toujours en retard, alors. Oh, ça fait admirable. Ah, vite un fauteuil, j'ai monté vite, je suis encore un peu suffoquée. Vous vouliez arriver plus tôt? Oh non, j'ai horreur de votre escalier sinistre. Ah. Par contre, c'est très gentil, chez vous, c'est coquet. Ah, qu'est-ce que je vous disais? Hein? Je vous disais, c'est coquet. Oh, ce joli petit sac. Ah, je l'ai acheté ce matin, je sais que vous les trouvez ravissants. Ce chine est très beau. Je l'ai acheté hier. Eh, dites donc, avant-hier, il n'y avait pas de meubles ici, alors. Ah oui, c'est très gai, il y a du soleil. Qu'est-ce que c'est à côté? C'est mon bureau, salon, fumoir, bibliothèque. Uh-huh. Et ici? Oui, ici aussi. Combien de pièces encore? Une chambre, une salle de bain, une cuisine. Ah, c'est bien. Ouais, mais son piano vaut rien du tout. Oui, il paraît. Comment se fait-il que vous soyez libre, il n'est que 5 heures, votre magasin? Bon, j'y ai laissé la vendeuse, c'est suffisant à partir de 5 heures. Ce sont des gens qui vont dîner en ville. Des bouquets de politesse, on n'a pas besoin de moi. Ah, uh-huh. Un peu de porto? Un doigt. Alors, un des miens, parce qu'un des vôtres, ce serait vraiment trop peu. Oh, très joli! Ouais, c'est absurde! Encore une fadaise comme celle-là et je m'en vais. Non, pardon. J'aime bien le porto, moi. Alors, serre-toi. Sais-tu ce qu'il me demandait tout à l'heure? Non. Ne le dites pas. Il me demandait si t'allais venir, si tu m'avais pas envoyé à ta place. Je vous avais promis de venir, je suis venue. Avec lui. Oh, bah, c'est pas gentil pour mon frère, ce que vous dites. Qu'est-ce qu'il dit? Mêle-toi de ce qu'il te regarde. Bon, parfait. Vous m'accusez de dire des choses idiotes, mais comment voulez-vous que je parle devant lui? Seriez-vous moins sot s'il s'en allait? Je l'espère. D'ailleurs, je vais le garder sous la main. À la première banalité, à la première insolence, je le rappelle. Si vous voulez. Nous allons voir. Je n'ai plus besoin de toi. Tu peux t'en aller. Ouais. Et tu peux t'en aller, je n'ai plus besoin de toi. Mais oui, mais parfaitement. Je te dis que tu peux t'en aller. Oh, la barbe! M'as-tu dit de rester, oui ou non? Alors si tu veux que je reste, me dis pas tout le temps de m'en aller. À la fin, il trouverait ça suspect. Je te dis de t'en aller. Ce matin, tu m'as dit reste, même si je te dis de partir. Alors je reste. Maintenant, je te dis pour la dernière fois de t'en aller. Ouh! Dans la pièce à côté, Jeff a deux mots à me dire en particulier. Oh, Mais son piano vaut rien du tout. Eh bien, ne joue pas, lis. Ça me donne la migraine. Dors. Ça me donne la migraine aussi. Travaille alors. Oh, je te dis que j'ai la migraine. En tout cas, va-t'en. Je vais rêver, moi. Pourquoi lui avez-vous dit de venir? À mon frère? Oui. Pourquoi lui avez-vous dit « reste même si je t'ordonne de partir » Vous me le demandez. Oui. Vous ne comprenez pas? Non. Regardez-moi. Je ne comprends pas. Eh bien, c'est parce que je ne me sentais pas assez sûre de moi. Oh, j'aurais dû comprendre. Mais Dieu merci, je me suis reprise. Oh non, oh, pas encore, pas déjà. Oh, je sais bien qu'avec moi, vous vous reprenez toujours à la dernière minute, mais vous êtes à peine arrivée. Ah oui? Il faut me pardonner, je n'ai pas l'habitude de la coquetterie. Merci. Oh, je sais bien que vous dites le contraire de ce que vous pensez et que vous ne faites ni ce que vous pensez ni ce que vous dites. Je sais bien que c'est quand vous êtes gentille que vous êtes méchante, mais des regards pareils. N'est-ce pas? Je ne sais pas les comprendre, il faut encore tout m'expliquer. Alors, vous aviez peur de n'être pas sûre de vous. Oh, quel bonheur. Vous aviez peur de n'être pas sûre de vous. Quelle chance. J'avais bien tort. Oh oui, vous aviez tort. Vous n'êtes même pas émue. N'est-ce pas? Je ne suis pas émue. Vous n'attendiez pas cette heure-là depuis 15 jours, vous? Non, à vrai dire, non. Et pourtant, il y a eu un moment où vous avez cru m'aimer assez pour ne pas oser venir seule ici. Est-ce possible? C'est possible. Et comme je sais que vous avez confiance en moi... C'est donc en vous que vous n'avez pas confiance? Ma foi... Oh, ne dites rien, n'ajoutez rien. Oh, me voilà heureux pour 3 mois si vous ne me dites pas de choses méchantes. Vous n'êtes pas exigeant. Oh, c'est que je vous aime tant. J'ai peur de tout perdre par une exigence. Pauvre garçon. Je comprends maintenant pourquoi Richard vous appelle Jean de la Lune. Mmh, il n'est pas le seul. Depuis le collège, tous mes amis m'appellent ainsi. Je ne sais pas si c'est très gentil. Certainement. Comment puis-je rester un instant sans vous parler? Moi qui, depuis 15 jours, cherche à résumer toutes les choses que j'ai à vous dire, tant j'ai peur de n'avoir pas le temps de vous les dire. Oh, dites! Je voulais vous demander... Est-ce que vous êtes encore amoureuse de Richard? Ah, oh, c'est malin. Vous allez me parler de Richard, maintenant? Je voudrais tellement savoir. Vous savez que j'ai aimé ce garçon comme une folle, vous prétendez vous faire aimer de moi et vous venez me parler de lui. Non, je sais bien que c'est maladroit, mais je voudrais savoir. Vous êtes trop bête. Mais puisque j'ai fait la bêtise, répondez-moi. Oui, j'aime Richard. Ah. Je l'aimerai sans doute toujours. C'est bien inutile de m'aimer. Ah. Oubliez-moi. Et cette fois, que dois-je comprendre? Ce que vous voudrez. Non, répondez-moi. Je vous ai répondu. J'aime Richard, là. Êtes-vous content? Non, je ne suis pas content. Tant pis pour vous. On ne pose pas des questions pareilles. Oh, Marceline. Mais c'est qu'il a l'air d'avoir du chagrin, vraiment. Oui, Marceline. Mais vous n'avez qu'un moyen de vous faire pardonner, c'est de me regarder avec tristesse. Avec votre regard de bon chien et votre air désespéré, comme d'habitude. Comme lorsque vous dites que je ne vous aimerai jamais. Vous voulez? C'est d'ailleurs le regard que vous devriez avoir après ce que je viens de vous dire. Ainsi? Non. Oh, je sais pourquoi mon regard n'était pas bien. Quand je vous ai regardé brusquement, j'ai senti que vous m'aimeriez. Vraiment? Hey, je m'embête carrément, moi, là-dedans. Oh, 5 minutes, laissez-nous 5 minutes. Oh, bah, 5 minutes, pas plus, hein. Et les autres choses que vous avez à me dire? Avez-vous reçu ma lettre? Oh, je vous avais dit de ne pas m'écrire. Si Richard l'avait surprise... Il n'aurait pu s'en prendre qu'à moi. Vous ne pouviez pas attendre 2 jours, mm-hmm. puisque vous saviez que je venais aujourd'hui. Non, je voulais vous écrire certaines choses que je n'ose pas vous dire. Et que vous écrivez mal. Oh, j'ai pas pu lire ce mot-là. Amour. J'avais compris le sens général quand même. Avez-vous pour moi le mot illisible? Comment? Oui, si vous m'écriviez, y aurait-il un mot que je ne pourrais pas lire? Pardon? Je veux dire, est-ce que vous m'aimez? Vous ne comprenez pas que je ne peux pas entendre? D'ailleurs, pourquoi cette lettre? Il fallait m'envoyer des fleurs. Oh. Vous devez connaître leur langage. Je les ai trop fait parler pour les autres. Ah. Et puis, avec les fleurs de cette saison, mon bouquet aurait l'air d'une polissonnerie. N'insiste pas. Oh, d'ailleurs, si vous saviez ce que je vais faire pour vous... Qu'allez-vous faire? Oh, je n'ai pas encore tout à fait réussi. Dites, voyons! Je vais inventer une fleur. Alors celle-là ne parlera que pour vous. Vous allez inventer une fleur? Oui, oh, c'est difficile, mais enfin, ce ne serait pas la peine d'être le premier fleuriste de Paris. Et je ne parle pas d'abîmer une fleur qui existe. Je veux fabriquer une fleur, comprenez-vous? Non, les autres se contentent de changer de couleur, mais moi, je veux en créer une pour vous. Et je sais déjà son nom. La Marceline? Non. Non, il y a trop de santé dans votre nom. Trop d'autorité. Oh, si vous ne lui donnez pas mon nom, c'est vraiment pas la peine. Oh, c'est votre nom tout de même. C'est celui que je vous donne quand vous n'êtes pas là. Quel? Lily. C'est banal. Avec un Y à la fin? Oh, même avec un Y. Est-ce que quelqu'un vous appelle Lily? Oh non, personne. Alors c'est bien. Mais c'est pas un joli nom de fleur, la Lily. La Lily? Oh si. La Lily. On dirait le commencement d'une chanson de mon frère. La Lily, la Lily, la Lily. Je suis très fière que ma fleur ait l'air de commencer une chanson. Qu'en pensez-vous avoir fini de l'inventer? Ben, je ne sais pas, c'est très difficile. Dieu a presque pensé à tout. Ben oui. Surtout que je ne veux pas la faire en combinant deux autres. Ça, je veux qu'elle soit pure et qu'elle ne ressemble à aucune. Ah, ma foi. Oh, j'y arriverai, ça, j'y arriverai. Je vous aime tant, je voudrais vous étonner. Cela vous étonnerait, n'est-ce pas? Oui, mais il faudra l'appeler la Marceline. Oh. D'abord, Lily, c'est le nom d'Élise en anglais. Oh non, pas Marceline. La Marcelinette, si vous voulez un peu moins de santé. Peut-être. Ouais, inventez-la d'abord, nous nous arrangerons toujours. Oh, elle sera belle, vous savez. Je la vois toute noire avec des reflets gris. Toute noire? Oui, comme certains velours. Toute noire, oui. Je veux aussi qu'elle soit lourde. Oh. Oui. Et qu'elle ne sente rien, n'est-ce pas? Non, non, rien. Oh, ce sera merveilleux, Jeff. Oh, je le crois. Si vous m'aimez, vous devez réussir. Oh, je réussirai. Ah, oh. Oh, si vous réussissez. Alors? Mais rien, rien, je suis folle. Qu'allons-nous faire maintenant? Mais ce que vous voudrez. Ah, oh, ça non. Je ne comprends pas. Je vous dis, nous allons faire ce que vous voudrez. Vous me répondez, ah, ça non? Ah, ça non. Mais que diable voulez-vous donc faire? Quel bonheur pour moi que vous ne compreniez rien jamais. Ça me dégrise. Je vous ai dégrisé? Oh oui. Oh, quel dommage. Mais puisque vous ne voulez pas faire ce que vous voulez... Vous accepterez peut-être de faire ce que je veux? Peut-être. Vous feriez mieux de me donner carrément rendez-vous au restaurant. Veux-tu rentrer là tout de suite? Mais je m'ennuie à périr. Ah, rentre là et n'en reviens que lorsqu'on t'appellera. Oh. Je comprends pas pourquoi tu m'as dit de venir. Alors, que voulez-vous? Oh, c'est tellement bête, vous allez vous moquer de moi. Plus maintenant, sûrement plus maintenant. Alors voilà, Marceline. Toutes les fois qu'il m'est arrivé quelque chose d'important dans la vie, j'ai entendu jouer un certain air. Aussi loin que je me souvienne, quand quelque chose de mauvais ou d'heureux m'advenait, un piano, un chanteur de cour ou un orgue de Barbarie jouait cet air dans la journée. Le jour où mon père est mort. Tenez, celui où j'ai acheté ce magasin magnifique, toutes les fois, je vous assure, toutes les fois. Alors maintenant, c'est devenu pour moi une superstition. Et j'ai tellement peur de perdre cet avertissement du destin que je préfère me le donner moi-même. Aujourd'hui, vous êtes venu, vous m'avez donné presque l'espoir. J'estime que quelque chose d'heureux et d'important m'est advenu. Je voudrais jouer mon air. Faites. Je l'ai là sur un vieux disque introuvable aujourd'hui et auquel je tiens comme à mes yeux. Il ne sert pas souvent. Et j'espère ne pas l'user trop vite. Vous permettez? Si vous commencez à faire de la musique, alors... Va-t'en! Mais pourquoi m'as-tu fait venir ici? Pourquoi? Donnez-moi la main, Jeff. Mais qui est-ce? Alors, ça ne voit pas qui peut venir. C'est peut-être Richard. Et comment serait-il, voyons? Il ne vient pas vous voir de temps en temps? Si. Dois-je ouvrir? Et d'ailleurs, nous ne faisons rien de mal. N'est-ce pas? Il te faut du temps pour ouvrir. Elle est là? C'est-à-dire? Pas d'histoire, je sais qu'elle est là. Mais oui, je suis là, mon chéri. Ah, te voilà. Oui, mon Richard. Laisse-moi te regarder. Et voilà. Et toi, veux-tu me regarder un peu? Tu ne remarques rien? Non, mon petit Richard. N'approche pas! Mais qu'est-ce qui te prend? Ah, toi, fous-moi la paix. Écoute, je suis très surpris. Assez, je te dis, assez, c'est clair? Ah, te voilà, toi. 2 heures que je te cherche. Tu as de la chance, d'ailleurs, que je ne t'ai pas trouvé tout de suite, parce que j'ai pris un peu de calme, maintenant. Je ne comprends pas, Richard, c'est... Ah, tu ne comprends pas? Tu ne comprends donc rien. Écoute, si c'est à cause de sa présence ici que tu te mets dans des états, tu as bien tort. Je lui fais la cour, c'est entendu. Oh, il s'agit bien de toi, espèce d'andouille. Ah, il ne s'agit pas de moi? Mais est-ce qu'on est jaloux de toi? Ah, bah tant mieux. Je sais tout. Comprends-tu? Je sais tout. Mais tout quoi? Tu tiens beaucoup à ce que je le dise devant lui? Mais moi, je n'ai rien à voir dans tout ça. Dis. Mais oui, je... Tu n'as pas peur que ça le décourage un peu? Le décourager? Puisque c'est lui que tu as choisi comme nouvelle victime, tu n'as pas peur que ça le décourage, non? Mes amis, vous avez à vous expliquer, moi je vais vous laisser... Non, Jeff, ne partez pas! Tu as peur, n'est-ce pas? Ah, tu as peur. Je suis violent, tu as raison d'avoir peur, mais tu as tort de compter sur lui, car ce n'est pas lui qui m'empêchera de faire ce qui me plaira, je te le jure. Mais permets! Je t'ai dit de te taire! Et puisqu'elle veut que tu restes, écoute, ça t'instruira. Je t'ai jamais vu dans un état pareil. Richard, je sais pas ce qu'on t'a dit, mais c'est faux, tout est faux. Crois-moi, Richard, crois-moi. On a voulu me perdre dans ton esprit, on était jaloux de notre bonheur, mais je t'aime, Richard. Tu veux nier, pauvre idiote? Oui, je nie. Ah, tu vois bien, elle nie. Alors, en 2 ans, tu n'as pas appris à me connaître? Tu peux croire que je me serais contenté de vagues racontards? Ah, mais qu'est-ce que tu sais? Dis-le donc. Mais oui, c'est vrai, dis-le. J'ai tes lettres. Oh, ça, des lettres. Veux-tu que je te les lise, les lettres? Tu ne te souviens peut-être pas de ce que tu lui as écrit, ni de ce que tu y disais, de moi, hein? Car tu y parlais de moi, et de quelle façon? Richard! J'ai les siennes aussi, j'ai tout, te dis-je, j'ai tout! Veux-tu que je te lise les siennes aussi? Veux-tu que je te cite cette phrase où il prend ma défense contre toi? Ma défense contre toi, oui? Où il te rappelle à la pudeur en te disant que tu parleras peut-être de lui de cette façon-là, plus tard. Car il avait prévu ta trahison, lui. Il ne cesse de la prévoir. Il n'est pas une lettre où ils te disent « quand tu m'auras quitté ». Pardon, Richard, pardon. Tu ne prends plus la peine de nier, maintenant. Mais si, elle nie, naturellement. N'est-ce pas que vous niez, Marceline? Mais niez donc. Comment le pourrait-elle? Je n'ai qu'à lire une de ses lettres, au hasard. Hein? Ce corps que tu as tant aimé hier, mon chéri. Non, je ne peux pas. Vous avez écrit ça, vous? J'ai donc pas été bon avec toi, dis. Si, Richard, tu étais très bon. Je ne te faisais pas ce que tu voulais, tout ce que tu voulais? Si, trop. Alors pourquoi, nom de Dieu, pourquoi? Est-ce qu'on sait? Mais trouve une excuse au moins, cherchez-en une. Cherchez-en une, Marceline, ce sera gentil. Tu l'aimais, peut-être? Oui, c'est ça, je l'aimais. Elle l'aimait. Elle l'aimait. C'est admirable. Oh, mais c'est fini maintenant. Quoi? C'est fini parce que je le sais? C'est fini parce que je le sais? Mais c'est pour un amour de cette qualité que tu m'as trahi. Mais il fallait me dire oui, je l'aime. Pour que j'ai au moins l'impression que ça en valait la peine. Oh, mais c'est fini parce qu'il m'a quitté. Il t'a quitté. Lui qui parlait toujours de ta trahison, ça c'est drôle. Il vous a quitté, on peut vous quitter? Ah, c'est un malin, lui. Oui, il y a 8 jours, une lettre glacée, pas un mot de tendresse, rien. Oh, j'étais bien puni, Richard, bien puni. Mais c'est pour ça que tu pleures, hein? Oh non. Parce qu'il t'a quitté. Non, ne crois pas ça, Richard, c'est parce que j'ai peur de te perdre. J'ai bien vu comme il était méchant, comme tu étais bon. Toi, je t'assure, depuis 8 jours, je t'aime vraiment, Richard, je t'aime, garde-moi. Je saurais me faire pardonner, je me ferais toute petite. Non, ce serait trop simple. Non. Garde-moi, tu sais pas quel amour tu refuses quand j'aime, Richard, tu savais, rien n'existe plus, tu seras tout pour moi, tu as bien dû voir dans mes lettres, je t'aime comme ça maintenant, je t'aime comme ça. Reprends-la, Richard. Voilà l'autre idiot qui pleure maintenant. Je ne peux pas la voir ainsi, reprends-la, Richard. Jean de la Lune, va. C'est un amant comme toi qu'il lui faudrait. Je n'ai pas d'excuses, j'en cherche pas. Tu as raison, tu as 100 fois raison, mais je vais t'aimer. Tu sais pas comment je vais t'aimer. J'ai eu tellement peur de te perdre là tout à coup. J'ai compris que tu étais toute ma vie. Ne te fatigue pas, c'est inutile. Adieu. Non, ne pars pas. Oui, c'est pas possible, tu vas pas me laisser. Mais si. Mais qu'est-ce que je vais devenir sans toi? C'est bien tranquille. Non, t'en vas pas, ne laisse pas toute seule. Veux-tu me lâcher? C'est assez, lâche-moi. Oh, tu veux donc que je meure sans avoir réparé tout le mal que je t'ai fait? C'est une idée que je peux pas supporter, vois-tu? Je peux être assez gentille avec toi. Me laisse passer en mode, toi, mon chou, tu seras donc le seul à garder de moi un mauvais souvenir. Oui, cette scène est ridicule. Donne-moi la main, au moins ta main seulement, pour me dire adieu. Mais donne-lui ta main, va. Pourquoi faire? Je m'en vais, c'est tout. Oh, ta main, mon petit Dickie. Non. De quoi tu perds? Tu es si sûr de toi, si sûr de ne plus m'aimer, méchant. Oh, rien ne peut plus rien changer maintenant, puisque c'est fini, hein. C'est fini, tous les deux. Donne-moi.

Une nuit sans toi. Non, pas celle-là. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là? J'ai pas su le lire. Amour. Oui. Oui, t'as celle-là, par exemple. Non, épargne-moi, Richard. Tu as écrit ça? Oh, je ne m'en souvenais plus. Tu as osé écrire ça? Oh, pardon. Mais tu es pardon. une fille immonde. Voilà ce que tu es. Oh, tu recommences. Oh. À genoux, tout de suite. Non, Richard, je t'interdis. Sors de là, toi. Mais promets-moi au moins de ne pas la toucher. Mais je ne la toucherai pas, mais sors-toi de là ou je te casse la gueule. Oh, je prends note, tu ne la toucheras pas. Oh, j'ai honte, mon chéri, j'ai bien honte. Et je voulais faire ma vie avec ça. Bah, tu es chez moi, mon cher. Eh, qui la faute? Qui l'a fait venir chez toi? Crois-tu que je n'aurais pas mieux aimé la tenir dans un coin et lui dire ce que je pense, seul à seul? Ah oui, oui, tous les deux, seul à seul. J'aurais si bien de convaincre. Oh, pourquoi suis-je venue? Pendant 2 ans, j'ai vécu pour ça. Oh, nom de Dieu! Mon vase de Chine! Il est cassé? Oh, je me privais de tout. Je refusais de sortir avec les copains. Ben pendant que tu y es, reproche-lui donc aussi de t'avoir fait rompre avec tes autres maîtresses. Tout ça pour la sœur d'un clo-clo. Oh. Pardon? Pour la digne sœur de cet immonde personnage. Qu'est-ce que je déguste, moi, alors? Mais comment puis-je souffrir encore? Le mépris ne tue donc pas l'amour. Est-ce qu'après ce que j'ai lu, je devrais encore me soucier d'elle? Mais tu raisonnes trop, Richard. Pardonne-lui donc, puisque tu l'aimes. Jamais, tu entends? Jamais! Alors pourquoi ne t'en vas-tu pas? Si tu n'as pas l'intention de pardonner, pourquoi prolonges-tu cette scène qui te déchire? Pourquoi? Oh, tu as vraiment des questions inouïes. Tu ne comprends pas que ça ne peut pas se passer comme ça? Qu'il faut que je lui dise mon dégoût et mon mépris? Mais à quoi bon? Alors toi, tu ne dirais rien? Non, je pardonnerai ou je m'en irai. Je crois que je pardonnerai. Ouais, toi, tu es un mou, tu es un faible. Oh, tu ne viens pas de prouver que tu étais un fort. Oh, puis tu m'embêtes, hein? Je ne vais pas perdre mon temps à discuter avec toi. Non. Qu'allons-nous faire pour les meubles? Richard, tu ne vas pas me quitter. Ne recommence pas. Qu'allons-nous faire pour les meubles? Ça ne te portera pas bonheur, Richard, d'être méchant comme ça. Mais qu'espères-tu donc que je vais te reprendre? Avec ton clo-clo, tes autres domestiques, ta poste restante et ta trahison de tous les jours? Je ne peux plus t'aimer, ma pauvre fille. Maintenant que je n'ai plus confiance en toi. Moi, il faut que j'aie confiance. Il n'y a plus rien. Mais je te redonnerai confiance. Mais ne l'espère pas. Tu as tout perdu, tout gâché. Dès que tu riras, je croirai que c'est de moi. Et dès que tu souriras, je croirai que c'est à lui. Non, mais est-ce que vous ne croyez pas que je pourrais m'en aller? Non, je n'ai plus besoin de vous pour me sauver d'elle. Non, mais je voudrais vous poser une ou deux petites questions tout à l'heure. Alors, pour les meubles. Oh, fais ce que tu voudras, puisque tu t'en vas, ça m'est bien égal. Je me permettrai de vous rappeler que le bahut breton est un souvenir de famille. Marceline y tient. Enfin, nous y tenons. Enfin, j'y tiens, quoi. Soyez tranquille. Bon, oui, et puis alors pour le piano, n'est-ce pas, j'aimerais bien... Oui, c'est bon. C'est bon. Alors, il est inutile de parler de tout cela. Je prendrai rendez-vous demain matin pour régler les derniers points avec ton homme d'affaires. Tu peux me dire des méchancetés, va, maintenant. Ils ne sont pas des méchancetés. Ils ne s'en ont pas? Qu'il n'a qu'une idée? Sauver quelques petites choses du désastre? Oh, mais vous m'embêtez à la fin, hein? Comment? Qu'avez-vous dit? Moi? Oui, vous. Oui, moi. Oui, j'ai dit que vous m'embêtiez à la fin, hein? Vous osez dire quelque chose? Mon sax! Mon précieux sax! Oh, ben, qu'est-ce que j'ai sous les pieds, mon moi? Disque! Oh, mon cher disque! Et il est cassé. Oh, cassé, ah. Cassé. Je ne pourrais plus entendre mon air. Mon air, Marceline. Mon air. Quoi? Il va se passer aujourd'hui quelque chose d'important pour moi, Marceline. Tu parleras de ça plus tard. Où en étais-je? Finissons-en une bonne fois. Oui, finissons-en, je ne peux plus. Alors voilà, tout est fini entre nous. N'essaie pas de me revoir. D'ailleurs, comme j'ai tout prévu, j'ai demandé à mon associé la permission de partir pour Londres, où nous avons affaire. Tu t'en vas quand même. Tu as peur, hein? Ce n'est pas ta faute. Tu es toujours sincère. Je suis sûr qu'en ce moment, tu souffres beaucoup. Tu souffriras souvent comme ça. Pas longtemps chaque fois, mais... J'aime mieux n'en plus rien savoir. Comme tu es sûr de toi. Comme je te méprise. Tu garderas l'appartement. Il est très gentil, mais ton souvenir me le rendrait inhabitable. Je n'en veux pas non plus. Alors il vendra le bail. Il vendra l'installation. Je ne suis pas en peine. Ah, ça me fait du bien de t'entendre parler ainsi. Je te vois telle que tu es. Ah, tu devrais renvoyer ta bonne. J'ai dû la questionner et tu n'auras plus d'autorité sur elle quand elle verra que tu n'as pas su me retenir. Lâche, misérable lâche. Demain, je t'enverrai un chèque et j'espère que Clo-Clo sera content. Oh. N'en veux pas de ton sale argent de mauvais cœur. Défie-toi de tes premiers mouvements, oh. Marceline. Oh, j'ai mal.

suis heureux, Marceline, que tu aies trouvé aussi rapidement à me remplacer. Tu ne pouvais avoir plus de chance. Jeff te rendra très heureuse. Une seule chose m'ennuie, c'est qu'avec lui, tu ne vas même pas me regretter. Mais pourquoi ça? Parce que moi, j'avais tout de même des moments d'humeur, des jours où je n'étais pas gentil, tandis que toi... Bon, mais elle te regrettera quand même, va. C'est peut-être ça qu'elle regrettera. Alors, adieu, Marceline. Tu ne veux pas me dire adieu? Vous ne voulez pas lui dire adieu? Adieu. Bah quoi, donne-moi ta main. Donnez-lui la main, Marceline. Pourquoi faire? Il s'en va. C'est tout. C'est idiot. Mais non, tout à l'heure, c'était lui qui ne voulait pas. Maintenant, c'est vous. Donnez-vous la main, voyons. Mais tu as l'air de m'en vouloir, Marceline. Bah, c'est un peu fort, tout de même. Ah, si vous aimez mes enfants, réconciliez-vous. Il est temps encore. Je ne veux pas me réconcilier, mais je trouve un peu fort qu'elle m'en veuille. On ne recommence pas. Adieu, Richard. Oui, adieu, adieu. Adieu, Marceline. Toi, tu me plais. Appelle-moi Clo-Clo. Entre le premier et le deuxième acte, il se passe plusieurs années. L'auteur ne dit pas au juste combien. Ce qu'on sait, c'est que Jeff et Marceline se sont mariés. Jeff est courageux, vous ne trouvez pas? Justement, pendant que les acteurs respirent un moment, je me disais que nous pourrions peut-être parler un peu de la pièce. Elle est une manière de classique aujourd'hui, depuis 29 ans qu'elle se joue. Elle a eu le temps d'être mise un peu à toutes les sauces et s'en est bien trouvée. C'est un signe incontestable de la qualité d'une pièce que de s'enrichir de ses interprétations successives au lieu de s'en trouver disloquée. Le premier acte suffit à montrer que Jean de la Lune supporte très bien l'épreuve du temps. À qui faut-il rappeler que la première a eu lieu le 16 avril 1929 à la Comédie des Champs-Élysées? Le personnage de Jeff était incarné par Louis Jouvet, celui de Marceline par Valentine Tessier, celui de Clo-Clo par Michel Simon, celui de Richard par Pierre Renoir. Ceux qui n'ont pas assisté à ça ne sauront jamais ce qu'ils ont perdu. Bah, ne t'étends pas là-dessus, cela ne te rajeunit pas et tu enfonces des portes ouvertes. Bon, deux des quatre vivent encore et le souvenir est toujours vivace. C'est qu'on ne peut rien imaginer de plus différent que ce que nous sommes en train d'écouter. Pourtant, les créateurs étaient merveilleux, et ceux que nous sommes en train d'écouter le sont aussi. Mais je le dis comme je le pense, sans attendre la fin. Mais le cinéma nous a fait voir René Lefebvre dans Jeff et Madeleine Renaud dans Marceline. C'était tout autre chose encore. Michel Simon avait pourtant gardé son rôle. Je ne sais pas si je m'abuse, mais passant de l'ironie glacée de Jouvet à la tendresse rêveuse de René Lefebvre, on aurait pu se demander s'il jouait la même pièce. Eh bien, il n'y a pas de doute, il jouait la même. D'ailleurs, le cinéma a donné une autre version avec Claude Dauphin dans Jeff, Daniel Darieux dans Marceline et François Perrier dans Clo-Clo. Mais là, ce n'était plus vraiment la pièce et l'épreuve était moins réussie. C'est la pièce qui est un chef-d'œuvre, non le sujet en lui-même. On ne peut pas le refaire n'importe comment. Mais j'ai vu jouer la pièce aussi par Jean Tissier et Hélène Perdrière, c'était également très beau. Eh bien, dans cet éventail reluisant de grands comédiens, j'avoue que la tendresse inquiète et un peu cruelle de nos interprètes de ce soir me plaît assez. Et j'aimerais que nos auditeurs nous fassent part de leurs sentiments. Mais il faut attendre la fin de la pièce pour avoir un avis, mais il y a ici quelque chose de sensible, de douloureux. Et de gentil en même temps. Oui, qui donne à l'histoire une jolie couleur. Ah, nous sommes loin de l'âpre duel de Domino. Peut-être d'autres auditeurs se sont-ils fait la même réflexion que moi en écoutant ce premier acte. Le plus paradoxal des Gens de la Lune a été le premier, Louis Jouvet, qui a imposé par son immense talent la version la plus improbable du personnage, celle que la lecture laisse le moins deviner. Ah, parce que tu peux discerner à la lecture et avec certitude comment est Jean de la Lune. Ben, depuis trois quarts d'heure que j'écoute, je me dis ça ne peut pas se jouer autrement. Es-tu sûr que ce soit le plus vrai? Oh, le plus vrai, on sait bien que ce Jean de la Lune-là n'est pas celui de la chanson. Par une tiède nuit de printemps, il y a bien de cela 100 ans, que sous un brin de persil, sans bruit, tout me naquit. Jean de la Lune, Jean de la Lune. Il était haut comme un champignon, frêle, délicat, petit, mignon, et jaune et vert comme un perroquet, avait bon caquet. Jean de la Lune, Jean de la Lune. Ah, il aurait assez ce côté distrait, tête en l'air, naïf. Bon, je suis prêt à parier sur la naïveté du Jeff que nous propose Jacques Charon. Encore qu'il faille attendre la suite pour savoir. Une autre chose qui est sûre, c'est qu'il est ni sec, ni sardonique, ni mordant. Il en est même tout le contraire. Seulement, à mon avis, cela dépend de Marceline. Nous n'avons rien dit de Marceline, mais elle compte. N'importe quel homme ne tombe pas amoureux de n'importe quelle femme, et suivant que Marceline est une écervelée, une calculatrice, une dévergondée ou une cynique... Ou une passionnée. Moi, je lui fais confiance à Marceline. Ou une passionnée, si tu veux. Dans chacun des cas, ce n'est pas le même Jeff qui l'aimera. Tu trouves que le personnage de Marceline n'est pas clair? Oui, il est clair, comme celui de Célimène. N'empêche qu'on peut le jouer juste de 100 façons différentes. Eh bien, à ce propos, je vais avancer une opinion un peu scandaleuse, mais tant pis, il faut bien qu'un jour ou l'autre, ces choses-là soient dites. Les grandes pièces ne prennent vraiment leur vol que quand elles échappent à leur première chrysalide. Tout le monde est bien d'accord là-dessus, et ton opinion n'a rien de scandaleux. Oh, quand on émet des opinions générales sans nommer personne, il n'y a jamais rien de scandaleux. C'est après que ça commence. À propos de Pétrus, qui a été créé près de 5 ans plus tard, Jacques Copeau écrivait « On dit parfois que la fantaisie de M. Marcel Achard ne lui est pas tout à fait naturelle. » qu'il en a fait une manière et qu'il persévère par complaisance envers le public. Je ne suis pas sûr que ces critiques soient justifiées. Tu entends? Il n'est pas sûr. Mmh. Mais moi, je suis sûr du contraire. Sur quoi Copeau analyse laborieusement les éléments du comique de Marcel Achard pour montrer que ce qu'ils ont de semblable en apparence est très différent en réalité? Or, les arguments qu'il donne ne sont pas du tout convaincants. Essaye d'écouter la pièce comme nous l'écoutons ce soir, qu'on parle avec Domino, avec Pétrus, avec la belle marinière, et tu verras que ces pièces ne se ressemblent pas du tout, que le problème posé par Copeau est un faux problème, que la ressemblance apparente vient de ce que c'est le même interprète génial, mais toujours identique à lui-même, qui n'a pas exprimé la variété des personnages. Supprime Jouvet et Jeff, Pétrus et Domino ne se ressemblent pas plus et pas moins que Tartuffe ne ressemble à Alceste ou à Jourdain. Mais nous ne faisons rien d'autre en ce moment que de reprendre la pièce comme elle est, sans nous laisser hypnotiser par les précurseurs. Je vois les acteurs qui se remettent en place. Nous allons rendre l'antenne pour le deuxième acte de Jean de la Lune. Le même studio Cora. Qu'y a-t-il de changé? Je ne sais pas, mais on sent, oui, on sent, je ne sais quoi, que ce n'est plus le logis d'un célibataire. Marceline est à table avec Jeff et Clo-Clo. Ils finissent de dîner. Je te fais remarquer qu'on ne baille pas à table. Excuse-moi, mon vieux, je suis crevé. Tu pourrais au moins mettre ta main devant ta bouche. Ma main est trop petite, je ne pourrais pas cacher toute ma bouche. Mais en tout cas, tu pourrais bâiller discrètement, comme ça. Oh, naturellement. Ça, c'est malin. Toi, t'as pas envie de bâiller. Je pourrais avoir envie de bâiller. J'ai autant de raisons que toi d'avoir envie de bâiller. Je crois pas. Je travaille un peu plus que toi, alors à la fin de la journée, j'aurai le droit d'être plus fatigué que toi. Oh, mais... Mon vieux, c'est pas une question de travail, ça. C'est une question de sommeil. Et ça, alors, j'ai sommeil, moi. Oh là là là là là. Je te dis de bâiller comme ça. Comment dis-tu? Comme ça. Comme ça? Mais non. Bah, tu, comme Marceline, tiens. Oh, avec vos discours idiots, vous m'avez donné envie de bâiller aussi. Comme ça? Oh, je peux pas. On voilà. Se tape fort tout de même. Oh, non, oui, tes petits trucs distingués, ça délasse pas, ça. Tiens, tu vois, quand t'as envie de bâiller, tu bâilles comme tout le monde. Oh, c'est idiot, tiens. Maintenant, je vais pouvoir bâiller tranquillement. Si le café était prêt, nous pourrions le boire, ça nous réveillerait. Oui. Mais le café est-il prêt? Je ne saurais te répondre. Peut-être le café est-il prêt? Il se pourrait que le café fût prêt. Je crois pas que les cafés soient prêts. On pourrait peut-être sonner la bonne, carrément, non? La bonne est sortie. Mais qui lui a dit de sortir? Monsieur, naturellement. Moi? T'es complètement abruti, mon pauvre ami. Tu envoies la bonne à l'autre bout de Paris, tu nous demandes de la sonner? Où l'as-tu envoyée? Je sais pas. Comment tu sais pas? Je sais plus. Non, excuse-moi, j'ai tellement sommeil. Ah non, ne baille pas, alors ça, en tout cas, ne baille pas, hein. Alors, pas de café? Pas de café. Dommage. Le café est très bon pour les artistes. C'est embêtant. Mais pourquoi fermez-vous toujours le piano? Vous le faites exprès? Oui. Oh. Nous n'avons pas envie de t'entendre travailler tes papillons dans la prairie. Ouais, c'est entendu, ça vient pas. Oh, ça non. C'est-à-dire que je donne bien à la prairie, je peux pas arriivé à donner les papillons. Mais tu ferais mieux d'y renoncer carrément. Ben, est-ce que tu renonces, toi? Moi? Est-ce que tu renonces à inventer ta fleur? Ah, non. Eh ben alors? Ah oui, mais moi, je ne fais pas de bruit quand j'invente. Alors, pour toi, la musique, c'est du bruit? Ta musique, oui. Ah. Une chose comme cœur brisé, par exemple, c'est du bruit. Ah, ça, oui, on croirait que tu l'as brisé à force de le cogner par terre. Eh ben, tout le monde n'est pas de ton avis. Quelqu'un d'un peu mieux qualifié que toi me disait hier, c'est fluide, c'est aérien. Comme on voit que vous avez dû souffrir. Oh ben, mon vieux. Ouais. Et puis toutes les midinettes le chantent. T'as qu'à aller à la sortie des ateliers, tu l'entendras. Elles comprennent la poésie de ça. Cœur brisé qui s'en va. Oh, oh, ricane si tu veux. C'est poignant. Tant mieux, mon vieux, tant mieux. Oui, en tout cas, je trouve quand je cherche, moi. Je suis pas comme certains imbéciles qui se croient spirituels et qui sont même pas capables d'inventer une fleur. Ben, c'est donc, c'est pas difficile de faire de la musique, il n'y a que 7 notes. N'importe comment on les met, on a toujours un air. Tandis que fabriquer une fleur, ajouter à l'œuvre de Dieu... Ben, une... si c'est si difficile, invente une fleur artificielle. Oh, vous m'agacez. Mais mon petit... Non, je vous dis que vous m'agacez. Bon. Puisque la bonne ne revient pas, va faire le café. Oh, bonne idée, oh, non, vous m'embêtez. Va faire le café, Jeff. Bien, mon petit. Et alors? Ben, je te l'ai dit avant le dîner, Gaston est introuvable. Tu es allé partout? Partout. Chez sa mère aussi? Oui, il n'y avait personne. Et chez lui? Bon, voyons, naturellement. Où peut-il être? Je sais pas. Voilà un jour et une nuit que je lui cours après, moi je crois qu'il est parti. Oh non, non, ne me dis pas ça. Oh ben, je te le dis tout de même. Ah, ce serait trop affreux. J'ai tous les torts. Je te dis, je lui ai fait une scène idiote. Je lui ai dit que je ne l'aimais plus. Il ne m'a pas cru, voyons. Peut-être que si. Mais un homme ne croit pas ça tout de suite. Oh, tu sais, Gaston est un original. Non, ce n'est pas possible. Il ne va pas partir bêtement. Au Brésil. Comment veux-tu que je le rejoigne? S'il part, tout est perdu. Tout est perdu. Oh non, pleure pas, écoute. J'ai fait ce que j'ai pu, moi. Toute la nuit et toute la journée, j'ai galopé dans Paris à sa recherche. C'est vraiment pas ma faute. Admettons qu'il parte, il va tout de même rentrer chez lui faire les mâles. Bah, probablement. Alors, il trouvera Étiennette. Ah, c'est chez lui que j'ai envoyé la bonne. Et elle lui dit que je veux lui parler absolument avant qu'il parte. Il me revoit et je le garde. Ben oui. Oh, être là, attendre, sans pouvoir rien faire, tandis qu'il part peut-être. Allons, allons, allons, voyons, voyons, allons, allons, allons. Si tu allais voir au cercle. Oh non, écoute, j'en peux plus. J'ai pas dormi depuis 24 heures, moi. Ah, bah, je crois qu'il sera bon. Ah, bah dis donc, imbécile. Quoi? Bah, tu ne peux pas sortir les tasses, non? Tu n'es même pas capable de prendre cette initiative. Je suis crevé, mon vieux. Tu bavardais encore avec ta sœur, hein? Mais de quoi pouvez-vous bien parler, tous les deux? Bon, tu sais... Tu l'as vu hier, tu déjeunais ici ce matin, tu as même téléphoné 2 fois cette nuit... Tiens, bah, à propos, je te demanderai de ne pas téléphoner la nuit. Tu nous réveilles chaque fois, et pour nous dire quoi, hein? Alors là, je te le demande. Oui, tu aurais pu vraiment attendre ce matin pour me demander l'adresse de ma couturière. Tiens, je t'ai demandé l'adresse de ta couturière? Bah, tu ne sais même plus ce que tu demandais. Oh, je crois bien que j'étais un peu sous. Alors, oui, bah, alors la prochaine fois, n'hésite pas, hein. Dès que tu te sentiras sous, prends ton carnet d'adresse, téléphone à un marchand de Porto ou de tableaux anciens et fous-nous bien la paix. Et à propos, il faudra me la redonner. Quoi? Je dis, il faudra me redonner l'adresse de ta couturière. C'est pour ma petite amie. Oh non, tu veux me faire mourir, toi. Je vois pas ce qui te fait rire. Écoute, en tout cas, moi, oh non, ça, je ne veux pas la voir. Oh non, ça me ferait trop de peine. Pauvre gosse, une si triste fin. Oh, tu es comique. Oh, tu es rigolo. Mais je te le dis, en vérité, c'est mal. C'est très mal ce que tu as fait là. Je sais bien qu'elle avait sans doute perdu tout espoir, mais c'est égal. Penser qu'elle aura devant les yeux quotidiennement une tête comme la tienne. Mais qu'est-ce qu'elle a pu faire pour être si durement punie? Crevant, crevant, crevant. Tu peux lui en payer des robes pour te faire pardonner. Oui, oh ben ça va, ça va, ça va. Oh. Oh, encore un peu de café? Non. Et toi? Parole. Quoi? Je passe. Oh. Oh. C'est parce que je t'aime que tu m'aimes quand même. M'aime. Quand même, do dièse, combien de fois faudra-t-il te le dire? Que tu m'aimes quand même. Non, do dièse, je te dis, quand même. Quand même. Non. Mais je fais ce que tu fais. Mais tu sais bien que je chante faux, alors fais pas ce que je fais, fais le do dièse. C'est facile à dire, comment est-ce un do dièse? Donne-moi le piano, tu vas le voir. Ah non, pas de piano. Bon, alors chantons ensemble. Je te soutiendrai toujours un peu. C'est à trois temps. Une, deux, trois. Une mesure pour rien. Une, deux, trois. C'est parce que je... Ben, qu'est-ce que t'attends? J'attendais que tu dises je t'aime. Depuis que je sais que t'es une bonne amie, moi je voudrais t'entendre dire ça. Alors, ne fais pas l'idiot. Allez, reprenons. Une, deux, trois. Attends, une mesure pour rien. Une, deux, trois. C'est parce que je t'aime. Non, c'est pas ça. Avant je t'aime, il y a un soupir. Ah, faut soupirer avant de dire je t'aime. Oui. C'est comme dans la vie, quoi. Naturellement. Ma musique, c'est la vie. C'est parce que... je t'aime. Hein? Allez, reprenons. C'est à trois temps. Une mesure pour rien. Une, deux, trois. C'est parce que... je t'aime. Que tu m'aimes. Quand même. Tu m'aimes pour mon amour, dont tu m'aimeras toujours, toujours. Oh, moi j'adore cette chanson. Elle est stupide. Les chansons dont j'écris la musique ne sont pas stupides. Imbécile, fais-moi plaisir, dis-moi le dernier couplet. Je me le rappelle pas exactement. C'est à peu près ça. Mais non, ne chante pas, on te demande des paroles. Voilà. J'avais bien pensé à ne plus t'aimer. Je me disais, au moins comme ça, je serais tranquille. Mais j'ai réfléchi. Puisque tu m'aimes que pour mon amour, si je t'aime plus, tu m'aimeras plus. Alors moi, qu'est-ce que je vais devenir? Que veux-tu? Moi, je trouve ça épatant. C'est absurde. Et la preuve, c'est qu'on peut la chanter à l'envers. Comment à l'envers? Oui. C'est parce que tu m'aimes que je t'aime quand même. Je t'aime pour ton amour, donc je t'aimerai toujours. Mais voilà bien une idée de femme. Tu ne t'aperçois pas que ce n'est pas la même chose? Quand l'homme dit « Tu m'aimes pour mon amour, donc tu m'aimeras toujours », c'est tendre. C'est un hommage joli. Idiot, si tu veux, mais joli. N'est-ce pas, imbécile? Voyons, naturellement. Mais quand la femme dit « Je t'aime pour ton amour, donc je t'aimerai toujours », c'est de l'orgueil. Une confiance en soi peut-être exagérée. Et tout le charme de la chanson s'en va. Bon, tu as raison. Tu n'as pas l'air contente ce soir, mon chou. Oh, je suis d'une humeur massacrante. Mais pourquoi? Nous sommes là en famille, nous buvons notre café en chantant. C'est plutôt gentil, tu ne trouves pas? Non. T'as mal aux dents? Mal aux dents? Oui, avant-hier, tu te plaignais de ta grosse molaire. Non. Alors, c'est ton rhumatisme? Si quelqu'un t'entendait, ma grosse molaire, mon rhumatisme, c'est poétique. Oui, moi, je trouve que tu as une façon charmante d'avoir mal. Vraiment? Quand tu dis « aïe », par exemple, alors ça, c'est ravissant. Tu as remarqué? Tous tes gestes, d'ailleurs. N'est-ce pas, Clo-Clo? Oh, Clo-Clo! Quoi? Il dormait. Dès qu'on ne parle plus de sa musique, il s'endort. Qu'est-ce que tu veux? N'est-ce pas que ta sœur est ravissante? C'est pour me demander ça que tu me réveilles? Ah oui? La prochaine fois que tu t'endormiras devant moi, je te réveillerai pour te demander, n'est-ce pas, t'es idiot? Ah, voilà la bonne. Crois-tu? Bah, voyons, qui veux-tu que ce soit? Déjà? Comment, tu te plains que ta bonne ne mette pas assez longtemps pour faire les courses? Quelle bavarde, hein? Tu les entends? Oui, bah tu vas enfin savoir ce que tu lui as dit d'aller chercher. Ah, ah oui. C'est oui. Amusant, hein? Je voudrais être à ta place, on envoie chercher quelque chose, on oublie quoi, et subitement, la bonne la porte. Oui, c'est comme une loterie. Voilà. Mais je vous assure, madame, que ce n'est pourtant pas ma faute. Ah, qu'a-t-elle encore fait? Mais rien. Qu'en sais-tu, toi? Moi, j'en suis sûr. J'expliquais quelque chose à madame. Avez-vous rapporté ce que monsieur Clotaire vous avait demandé? Quoi? Bah, vous ne comprenez pas le français? Mais monsieur Clotaire ne m'a rien demandé. Bah alors quoi, toi, tu es fou? Bah, ça doit être ça, oui. Et pourquoi êtes-vous sorti? Madame ne se souvient pas? Je lui ai demandé l'autorisation de m'absenter pour une affaire personnelle. Ah oui, en effet, je croyais que c'était clos. Oh, bah je respire. Tu finiras par m'inquiéter à toujours me dire que je suis idiot. Bon, c'est bien, vous pouvez vous retirer. C'est que je voudrais demander quelque chose à madame. Eh bah parlez, ma fille, parlez. Je disais à madame. Bon, bah, alors viens faire un piquet puisqu'elle veut parler à madame. Tu peux peut-être bien avoir à lui dire que je ne puisse pas entendre. Oh, mais je t'assure que t'es injuste avec cette petite. Bah, j'aimais mieux Louise, moi je regrette que Marceline l'ait renvoyée. Madame devrait essayer de téléphoner. Oh, à quoi bon, il est parti maintenant, c'est sûr. Mais peut-être pas. Il y a encore un train pour Bordeaux cette nuit, que le paquebot attend. D'ailleurs, on peut également passer par Marseille. Il est parti. Voyons, madame, il faut pas vous laisser aller. J'aurais attendu plus longtemps là-bas. Seulement, comme nous n'avions pas décidé de ce que nous dirions à monsieur, j'ai eu peur qu'il s'étonne de mon absence. Je m'en suis bien tirée, n'est-ce pas? Oui, merci. Vous trouverez votre petit supplément à la fin du mois. Oh, je n'aime pas voir madame comme ça. Madame qui est si gaie, si vivante. J'ai du chagrin, Augustine. J'ai du chagrin. Madame me confond avec son ancienne femme de chambre. Mais dans l'état où est madame? Et vous avez raison, Je vais tout de même téléphoner. Allô? Allô, Passy 1419, s'il vous plaît. Pas libre! Il est là, il est encore là, j'y vais. Oh. Prévenez monsieur Clotaire, il expliquera à monsieur. Enfin, il s'arrangera. D'ailleurs, je ne serai pas longtemps, c'est pas loin. Et redemandez le numéro, vite. Dites que j'arrive, qu'il ne parte pas avant de m'avoir vue. Allô? Allô, mademoiselle? Voulez-vous être assez gentille pour me rappeler quand le passé 14-19 sera libre? Merci beaucoup. C'est très important. Monsieur Clotaire! Madame voudrait vous dire quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a? Madame est partie. Nom de Dieu, pour de bon? Non, madame est sortie. Oh, faites attention à ce que vous dites, vous m'avez coupé la respiration. Oh, si vous croyez que le service de madame est facile... Ouais, vous fâchez pas. Elle est là-bas? Naturellement. Elle a bien recommandé de téléphoner pour dire qu'on l'attende. C'était pas libre, mais la demoiselle doit nous sonner. Ah bon? Quelle est votre impression? Il se cache, il ne veut plus la revoir. Bon, bah alors tout s'arrangera. Je crois pas. Le chauffeur me l'a bien dit l'autre jour. Madame était trop dure avec monsieur Gaston. Mais quel besoin avait-elle d'aller faire souffrir celui-là? Oh, elle a un mari charmant. Bon, qu'elle le trompe si elle veut, mais qu'au moins elle rende heureux ceux avec qui elle le trompe. Je suis de votre avis. Ouais, alors maintenant elle va souffrir. C'est gai. D'autant plus que madame a un caractère très difficile quand elle souffre. Oh, c'est 15 mauvais jours à passer, quoi. 15 jours? Oh, 3 semaines maximum. Eh bien, mon vieux, je t'attends. Hein? Voilà. Bah oui, Marceline. Marceline? Bah, tu ne comprends pas ce que je te dis. Mais si, mon vieux, justement. Bah quoi, justement, elle est sortie. Hein? Oui. Oui, n'est-ce pas? Voilà, elle est sortie. Bah alors, tu ne peux pas me dire elle est sortie? Oh, bah si. Évidemment, je peux dire elle est sortie. Et où est-elle allée? Hein? J'en sais rien. Bon, Tu lui demanderas. Elle a fait claquer la porte en partant, elle paraissait furieuse. Vous ne savez pas non plus où madame est allée? Non, monsieur. Je n'aime pas cette bonne, on l'a tout le temps dans les jambes. Quand on lui pose une question, elle sort. Et on est obligé de faire le café pendant qu'elle règle ses affaires personnelles. Bon ben, nous finissons notre piquet. Non, je suis énervé, je vais attendre Marceline à côté. La fenêtre donne sur la rue. Alors moi, je vais aller travailler quelques mesures. Eh ben, c'est ça. Bah donne-moi la clé, voyons. Quelle clé? Mais la clé du piano. Tu vas encore faire du bruit. Oh, tu n'es pas drôle. Oh, mais tu me jures que tu ne chercherais pas les papillons. Je te le jure, là. Oh, bah alors tant pis, que veux-tu, hein. Amuse-toi bien. Allô? Allô, oui, j'écoute. Quoi? Mais que voulez-vous que je fasse du 14-19? Ah, non, mademoiselle, non, je ne l'ai pas demandé. Non, il y a une erreur, mademoiselle. Allô? Allô? Allô, mademoiselle? C'est pour le Passy 14-19. Donnez-le-moi. Donnez-le-moi, mademoiselle. Ah non, c'est pas une blague. Mais je vous assure que c'est pas une blague. C'est même très important. Oui. Oui, j'attends. Allô? Oh zut, c'est pas libre. C'est fou ce qu'on lui téléphone à ce type-là. Allô? Allô? Voulez-vous me rappeler quand il sera libre? Non. Non, cela ne se reproduira pas, mademoiselle. Je ferai très attention. Merci, merci, mademoiselle. Allô? Encore ce 14-19? Mais allez-vous me ficher la paix avec ce 14-19, mademoiselle? Mais non, je vous dis que non, personne n'a demandé le 14-19. Crois-tu qu'elles sont assommantes avec leurs erreurs? Ah, oui. Ah, oui. Ben, j'ose plus lui demander, maintenant. Elle va me traîner dans la boue. Oh, tant pis pour ma sœur, allez. Allô? Allô? Allô? Non. Je vais lui demander naturellement comme si rien s'était passé. Allô? Passy 14-19, s'il vous plaît. Passy 14-19, vous l'avez déjà demandé, monsieur. Oh. Oh. Ça y est, elle m'y traîne. Non, mais je vous assure que vous méprenez absolument, mademoiselle. Oh, vous vous trompez sur mon compte de la façon la plus pénible. Non, il est absolument nécessaire que vous me donniez ce 14-19, mademoiselle. Non, donnez-moi le 14-19, je vous en prie, mademoiselle. C'est très important. Le 14... Comment, c'est toi qui demandais le 14-19? Ben, oui. Oui, tu vois, c'est moi. Ben, tu ne pouvais pas me le dire tout à l'heure au lieu de me regarder avec ton air abruti? Hein? Non, c'est... C'est-à-dire qu'elle... Parce qu'elle... Non. D'ailleurs, je peux pas la voir, j'y renonce. Quelle gourde tu fais? Non, mais j'y renonce, je te dis. Pas du tout, mais je vais te le demander, moi. Non, non, laisse donc. Je te dis que je vais te le demander. Non, mais j'en veux plus, là! C'est pas très chic de me faire des cacheteries. C'est pas des cacheteries, c'est mon ami, là. Es-tu content? 14-19? Oui, 14-19, c'est mon ami. La pauvre petite? Ben justement. Et allô, allô? Comme je voudrais être ailleurs, moi. Allô? Et lui, il l'aura tout de suite. On l'engueulera même pas. Allô. Dis donc, si l'on me demande de la part de qui? Tant pis. Tant pis, dis la vérité. Dis de la part de Clo-Clo. Bon, allô? Allô? Non, mais on peut pas la voir, je te dis. Laisse donc, je lui téléphonerai ce soir. Tu crois? Me voyons, naturellement. Allô, attends, ça y est. Allô, attends. Allô, Passy 14-19. Oui, excusez-nous, mademoiselle, tout à l'heure, mon beau-frère, qui est idiot et qui ne savait pas que je le demandais, vous l'a refusé, mais... Oui, maintenant, je voudrais bien la voir. Merci. Heureusement, il ne sera pas libre. Il n'est jamais libre. Alors, je suis tranquille. Allô ? Allô ? Allô, Passy 1419 ? C'est Passy 1419 ? Oui, de la part de Clo-Clo. Eh bien, dis donc, que j'en ai marre de lui et sa famille. Oh, oh, oh, oh. Ben. Oh, ça, c'est drôle. C'est vraiment drôle. Hein? Oh, oui. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Écoute, on m'a dit, vous direz à Clo-Clo, que j'en ai plein le dos de lui et de sa famille, et que dans un quart d'heure, je serai parti pour le Brésil. Ah. Et avec quelle voix elle m'a dit ça, ton ami? Alors, moi, j'ai cru que c'était un garde municipal. Et c'est tout ce qu'on t'a dit? Oui. Elle est bien bonne. Elle est bien bonne. Ah ben, ça n'a pas l'air de te faire beaucoup de peine. Oh, ben... Dis, une de perdue, 10 de retrouvée, hein. On dit ça... Je peux t'assurer que j'aurais pas de mal à remplacer celle-ci. Ah, tant mieux, mon vieux, tant mieux. Dis donc, une chose me déplaît, n'en faisons pas un drame, enfin... Pourquoi as-tu présenté cette petite à ta sœur? Qui, moi? Oh ben, jamais! Oh là là! Comment, elle a dit, j'en ai plein le dos de Clo-Clo et de sa famille, comme Marceline est ta seule famille... Oh, oui. Oui, t'as raison. Oh, bah, une fois par hasard. Pour qu'elle ait plein le dos de ta famille aussi, il faut que ce n'ait pas été une seule fois. Ouais. Bon, bah, peut-être, alors, plusieurs hasards. Surtout qu'elle ait l'air d'insister sur ce mot, sa famille, de Clo-Clo et de sa famille. Mais c'est une idée que tu te fais. Elle se déteste à ce point-là? Ce sont des femmes. Enfin, t'aurais pu éviter à ta sœur cette humiliation. Oh, dis, c'est elle. Oui. Je passe par la cuisine, hein, je veux pas la voir. Oh, bah bonsoir, mon petit, d'où viens-tu? Hein? Tu es fâché? Oh, c'est pas contre moi, au moins. Bon, Paul. Mais comme tu es pâle, tu n'es pas malade. Veux-tu me laisser seule un moment, s'il te plaît? Ah, mais pas du tout. Ça, tu es malade ou tu as du chagrin, je ne veux pas te laisser. C'est Clotaire, n'est-ce pas? Il n'est vraiment pas gentil de te mettre dans des états pareils. Nous sommes pourtant assez chics avec lui. Moi, demain, je lui dirai ce que je pense, tiens. Tu t'es disputé avec ton frère, c'est ça, n'est-ce pas? Non. Mais il me l'a dit. Ouais. Alors, s'il te l'a dit, c'est... Mais il t'adore, voyons, tu le sais bien. Il m'adore. Allons, voyons, que t'a-t-il dit? C'est peut-être pas tellement grave. Hein? Bah, tu ne veux pas te confier? Peux-tu me laisser seule un moment, mon petit Jeff? Je voudrais être seule. Oh, je ne veux que cela. Je n'ai besoin que de cela. Bon, ne t'énerve pas. Puisque tu y tiens absolument. Je ne le reverrai plus. Il est parti. Je ne le reverrai plus. Veux-tu une tisane? Un cachet? Non? Oui, je sais bien que je t'énerve, mais te sentir là, avoir du chagrin et ne pas tenter de te consoler. Tu sais que je fais toutes tes volontés, mais ne me demande pas de sortir, Lily. Lily, mais qu'est-ce que tu as, Lily? Mais Lily, mais tu pleures? Tu pleures, Lily, regarde-moi. Mais non. Ah, mais si, tu pleures, mais je le vois bien. Enfin, qu'y a-t-il? Moi, je ne comprends pas. Qu'y a-t-il? Rien, Jeff, je suis très nerveuse, alors la moindre des choses... Mais quelle chose? Je ne peux pas comprendre, c'est sans intérêt pour toi. Sans intérêt? C'est pas grave, je te dis, c'est pas grave, laisse-moi. Bon. D'abord, vous allez sourire à votre vieux Jeff, hein? Allez, allez. Allez, guili, guili, guili, guili. C'est fini, Allez, guili, guili, un petit sourire, vite. Vous ne voulez pas? Si. Ah. D'ailleurs, j'ai une bonne histoire pour Lydie. Alors, une histoire qui va la dérider tout de suite. Raconte. Et puis tu me laisseras seule, n'est-ce pas? Je suis raisonnable, tu vois. Oui. Eh bien, voilà. 5 minutes après ton départ, j'entre ici et je trouve Clo-Clo semant et hurlant pour obtenir le passy 1419. Passy 1419? Oui, c'est le numéro de sa bonne amie. Alors, comme il n'y parvenait pas, je m'offre à le demander à sa place. Et alors, une espèce de voix d'homme me répond. Il était là? Oui, oui, elle était là. Oui, toi aussi, tu as remarqué qu'elle a une voix d'homme. Et sais-tu ce qu'elle m'a dit? Vous direz à Clo-Clo que j'en ai plein le dos de lui et de sa famille et que dans un quart d'heure, je serai parti pour le Brésil. Oh oh oh oh. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Voyons, qu'est-ce que c'est? Mais que peut bien te faire l'opinion de cette femme? Voyons, mon chou, tu vas pas te faire du chagrin pour si peu de choses. Alors, voyons, si l'humiliation, je te comprends, mais puisqu'elle part et que tu ne la reverras plus jamais... Oh, bah oui, vraiment, il faudrait un hasard bien extraordinaire. Oh, je ne sais plus que te... Je ne sais plus que te dire. Moi, chaque chose dont je te parle ne fait qu'augmenter ta peine. Tu as raison, je devrais te laisser seule. Non, non, chef, non. Mais si, si, je vais m'en aller. J'ai du chagrin, chef. J'ai du chagrin. Mon pauvre chou. Chef, mon vieux chef, j'ai mal. Mais comment veux-tu que je te console, mon pauvre petit? Je ne sais pas ce que tu as. Je croyais te raconter une histoire drôle et voilà que tu pleures parce qu'une méchante pin beige part pour le Brésil. Oh, dis plus rien, Jeff, dis plus rien. Oh, mais comme tu es nerveuse. Veux-tu que j'appelle un médecin? Non, non, les médecins ne peuvent rien pour moi. Mais alors, qu'y a-t-il? Moi, je comprends pas, qu'y a-t-il? Je t'assure qu'il n'est pas naturel que tu prennes tellement à cœur toutes ces sottises. Tu dois être plus malade que tu ne crois. Et quelle heure est-il, Jeff? 10h05. 10h05. Ben, j'avance peut-être de quelques minutes. J'ai eu tort de te dire ça, j'ai eu tort de répondre à tes questions. Même pour te dire l'heure, je te fais du mal à chaque fois. J'aurais dû te dire que je retardais. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que j'aurais dû te dire. Mon vieux Jeff. Oui, ton vieux Jeff, qui voudrait tant faire quelque chose pour toi. Là, je suis ton ami, voyons, tu le sais bien. Ton vieux copain. Oh, c'est vrai, oui. Alors, personne ne comprend mieux que moi. Ben, souvent, tu l'as remarqué, je commence une phrase que tu allais dire, ou nous la disons ensemble. Nous sommes tellement amis que j'ai renoncé à tous mes anciens camarades. Je t'ai raconté toutes mes histoires, je te confie toutes mes affaires. Et nous nous amusons tellement ensemble que ce ne serait vraiment pas chic de me cacher tes ennuis. Alors, je t'assure que si j'en avais, je n'hésiterais pas. Allons, raconte. Tu connais Gaston? Gaston Lancelot. Oui, c'est le petit blond qui t'a fait danser l'autre soir. Eh bien... Oh, mais qu'est-ce que je fais? Je suis folle, moi. Alors, voyons, continue, tu avais commencé. Non. Eh bien, Lancelot. Non, rien, je t'ai rien dit, je peux rien dire. Mais raconte, personne ne peut mieux te comprendre que moi. N'insiste pas, non. Je ne vois pas ce que ce Lancelot peut avoir à faire avec toi, tu le connais à peine. Mais aussi, c'est pas avec moi. Qu'il... Alors, qu'est-ce que c'est? Puisque tu tiens absolument à le savoir, je... Lancelot a quitté une de mes amies et ce soir, elle voulait se tuer. Ah, c'est ça. Et c'est pour aller chez elle que tu es sortie? Oui. N'en parlons plus, veux-tu? Qui est-ce? Je peux pas te dire, c'est une femme mariée. C'est... Je parie que c'est ce pauvre Ganeron. Mais non, oh, mais bah, non. Oh, tant mieux. Et elle veut se tuer, oui. Penses-tu? Oh, si tu savais. Si tu savais ce qu'elle aimait, c'était toute sa vie, cet homme. Lui parti, que va-t-elle devenir? Oh. Mais pourquoi ricanes-tu? Oh, non, je ne ricane pas, mon pauvre chou. Tu as vu ton amie désolée, elle t'a dit qu'elle voulait mourir, et avec ton bon cœur, tu l'as déjà cru morte. Écoute, je ne voudrais pas manquer de tact et te rappeler une chose qui peut-être... Pardonne-moi, mais te rappelles-tu le chagrin que tu as eu quand Richard t'a quitté? Toi aussi, tu étais désespérée. Toi aussi, tu as voulu mourir. Et maintenant, te souviens-tu encore de lui? Je m'étonne que tu n'aies pas pensé à citer ton exemple à ton ami. Mais c'est vrai, oui. Mais tu as pourtant terriblement souffert à ce moment-là. Est-ce qu'aujourd'hui, ça t'empêche d'être heureuse? Non. Vois-tu, les femmes devraient compter avec leur inconstance. Oui, oui. D'ailleurs, je ne vois pas le rapport qui existe entre Lancelot et l'ami de Clo-Clo. Mais aucun, naturellement aucun. Mais tout m'exaspère aujourd'hui, alors j'ai très mal pris la réponse de cette petite. Mais c'est fini, je vais beaucoup mieux. Je suis bien content. C'est drôle ce que tu m'as dit à propos de Richard. Tu ne m'en veux pas de t'avoir rappelé ces mauvaises minutes. Qu'est-il devenu, Richard? Je ne sais pas. Ah, si, on m'a dit qu'il était parti pour le Brésil tout de suite après notre mariage. Pour le Brésil, lui aussi? Eh oui, lui aussi. Comme l'ami de Clo-Clo. C'est un drôle de type. Ah? J'ai parfois l'impression de ne pas te connaître du tout. Aujourd'hui, tiens. Aujourd'hui? Oh, ne pas l'air embarrassé, oui. Oui, aujourd'hui. Ah? Tu m'as dit des choses extraordinaires. Moi? Eh oui, toi. Vraiment? Extraordinaire. Regarde-moi. Mais c'est pas ton air de chien battu que je veux. Regarde-moi avec l'air que tu devrais avoir après les choses extraordinaires que tu as dites. Je n'ai pas dit de choses extraordinaires. Oh, si. Quand? Ne joue pas au plus fin avec moi. J'ai compris l'allusion à Richard. C'était très fort. J'ai compris aussi, comme l'ami de Clo-Clo. Mais qu'as-tu compris? Il n'y avait rien à comprendre. Ah? Tant pis. Mais tu as l'air déçu. Je comprends pas. Tu es tellement maladroit. Et tu es un petit peu patent. Et tu es un imbécile. Je suis un type épatant qui t'aime comme un imbécile. Et toi, tu m'aimes? Je suis assez bête pour ça. Merci. Mais qu'as-tu bien pu trouver d'extraordinaire dans Comme l'ami de Clo-Clo? Hein, Richard était parti pour le Brésil, l'ami de Clo-Clo aussi, alors je t'ai dit Comme l'ami de Clo-Clo. Mais oui. C'est pas difficile d'être extraordinaire avec toi. Bon, c'est bon, c'est bon. Je te dis, comme l'ami de Clo-Clo. Eh bien, naturellement, oui, quoi, comme l'ami de Clo-Clo. Oh, n'insiste pas. Alors, quand je fais une réflexion vraiment bien, tu ne la remarques même pas. Je t'ai dit, je suis un type épatant qui t'aime comme un imbécile. Ah, tu n'as même pas sourcillé. Mais quand je dis, comme l'ami de Clo-Clo, tu me trouves extraordinaire. C'est un peu fort tout de même. Remarque, après tout, comme l'ami de Clo-Clo, c'est assez drôle. Oui, peut-être que le fait d'associer Richard et l'ami de Clo-Clo a pu te paraître amusant. Faut pas exagérer. Hein? Ben, tu ne réponds pas? Mais elle dort, ma parole. Oui, elle dort. Comme elle est belle. Tu es belle, mon amour. Elle a l'air de souffrir. C'est drôle, elle a presque toujours l'air de souffrir quand elle dort. Toute la journée, elle rit avec nous, elle s'amuse, elle est heureuse. Et la nuit, ce n'est plus la même. Quel rêve fait-elle donc? Le matin, quand je lui demande, elle ne s'en souvient jamais. Oui, elle dort vraiment. Alors, à nous deux, ma petite. Je vais te faire quelques petits reproches. D'abord, pourquoi me trouves-tu extraordinaire à tort et à travers comme tout à l'heure, là? Hein? Bon. C'est une question à laquelle tu es bien incapable de répondre, naturellement. Bon, alors, voyons un peu les autres. Voyons mon carnet. avril, mai, mardi, mercredi, voilà. Oh, oh, que de reproches. Ah, ah oui, non, c'est parce qu'il y a ceux d'hier. Excuse-moi, Monty, mais hier, je me suis endormi avant toi. Clo-Clo t'avait tellement énervé avec son coup de téléphone. Alors, nous disons, pourquoi ? Ah, voilà. Pourquoi prends-tu toujours le parti de la bonne contre moi ? Ce n'est pas gentil. Avant-hier, je lui ordonne je ne sais plus quoi. Elle me dit, oh, je vais d'abord demander à madame parce que je connais monsieur. Si madame n'est pas de son avis, monsieur me disputera pour avoir fait ce qu'il voulait. Je te raconte ça et au lieu de te fâcher, tu ris avec elle. Bah, avoue que ce n'est pas gentil. Pourquoi changes-tu toujours mon fauteuil de place ? Voilà 2 mois que je te dis que je veux qu'il soit à gauche de la cheminée et 2 mois que tous les matins, tu le remets à droite. Je t'assure qu'un de ces jours, je vais me fâcher. Enfin, quand je dis me fâcher, c'est une façon de parler. Mais je ne suis pas content. Alors, qu'ai-je marqué là ? C'est d'hier, je ne me souviens plus très bien. Mais quoi, mais baiser ne t'étonne pas. Mes baisers ne t'étonnent pas. Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Ah, oh, non, oui. Non, mes baisers ne t'étonnent pas. Je veux dire par là que tu les acceptes négligemment et qu'aussitôt terminés, tu les oublies. Les gens qui s'aiment attachent plus d'importance aux baisers qu'ils échangent. Pour toi, on pourrait croire que c'est une simple formalité. D'ailleurs, encore un reproche que j'ai oublié d'inscrire. Pourquoi, toutes les fois que je t'embrasse, me dis-tu que tu es bête ? C'est pas gentil. Voyons, pourquoi changes-tu mon fauteuil de... Ah oui, celui-là est d'aujourd'hui, car naturellement, tu l'as remis à droite ce matin. Ah, tiens, pourquoi sors-tu sans me prévenir ? C'est drôle, cette manie que tu as. Je te laisse ici, installé bien tranquille, je crois passer avec toi une bonne soirée. Une mouche te pique et tu me plantes là, sans raison, sans t'excuser après ni avant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Et maintenant que je t'ai fait les reproches que tu mérites, je puis bien te dire que malgré cela, je t'adore, mon amour. C'est qu'en effet, tu n'es pas simplement adorablement jolie, mais tu sais l'être pour moi de la meilleure façon. Pour les autres, tu t'efforces de le paraître davantage, tu souris trop, tu as trop de mélancolie suivant ton interlocuteur. Avec moi, tu es naturel. Tu ne fais pas de frais. J'ai la meilleure part. Avec les autres, tu t'efforces d'être brillante, spirituelle, enjouée. Oh, il n'en de toi qu'un être factice que je ne reconnais pas. Parce qu'avec moi, tu es naturel. Tu ne fais pas de frais. J'ai la meilleure part. C'est pour ta simplicité que je t'aime. Pour ton indépendance aussi, pour ta cruauté inconsciente et pour tes gentillesses inattendues. Je t'aime parce que tu es la droiture même. Quelques minutes d'entracte, nous nous retrouverons après le journal parlé. Au troisième acte de Jean de la Lune de Marcel Achard, nous sommes toujours au même endroit dans le studio de Jeff. Quelques années, une fois de plus, ont passé. Clo-Clo est en scène avec sa sœur Marceline. Alors, t'es complètement idiote, c'est bien entendu. Oui. Tu te rends compte que ce que tu fais est stupide ? Non. Bon. Mais si je te prouvais que c'est stupide, tu le ferais pas ? Si. T'es décidé ? Oui. Tu regretteras rien ? Non. T'as patienté 5 ans, tu pourrais peut-être attendre 24 heures. Impossible. Il va beaucoup souffrir. Je serais heureuse. T'as pas un peu pitié de lui ? Oh, si, si. Eh ben alors ! J'aime l'autre. Bravo, quelle importance ! Je l'aime, tu sais pas ce que c'est. Oh, c'est pas la première fois que tu aimes, hein ? Si. Ah, c'est... C'est le grand amour, vraiment? Oui. Ben, alors que veux-tu? Aime-le, mais quitte pas Jeff. Alexandre n'admet pas le partage. Quel compliqué. Il ne veut pas cacher notre amour, il veut que nous nous aimions au grand jour. Quel gourde. Mais n'insiste pas. Et tu es sûr que ça vaut toute la peine que tu vas faire à Jeff? Absolument sûr. Ouais, ben, réfléchis, hé. C'est Alexandre. Tu pourras pas le tromper facilement. Tu penses, avec son amour au grand jour... J'ai bien réfléchi. Ouais, ben, c'est un malin, il croira pas tes histoires. Je lui mentirai pas. Oui, mais quand tu l'aimeras plus, hein? À Jeff, tu lui racontais ce que tu voulais. Il croyait tout, il avait tellement confiance. Mais j'ai peur que tu te sois habitué à cette tranquillité. Je n'y pense pas. Oui, ben, pense-y. Avec Alexandre, il faudra que tu aies des amis pour que tu puisses aller les voir. Je l'aime tellement, j'en aurais peut-être. Oh, pars pas, dis. Si. Non, pars pas, dis, pars pas. Hein? Si. Oh. Mais enfin, bon Dieu, Jeff t'a tout de même épousé. Crois-tu que sans ça, je serais restée 5 ans avec lui? Tu l'as même aimé, je m'en souviens parfaitement. Oui, oui, au début de notre mariage. Ah, ah, je te le fais pas dire. Mais que veux-tu, c'est fini, je pars. Ah, c'est comme ça. Ah, bon, ben alors, eh ben moi je vais aller. Oui, oui, alors, je cherche pas, y a rien à faire. Tu me dégoûtes. Si tu savais comme tu me dégoûtes. Tant pis. J'ai envie de te flanquer une gifle. Essaie donc, hein. Oh, ben, oui, si Jeff t'avait giflé seulement une fois, tiens, une pauvre petite fois, nous n'en saurions pas où nous en sommes. Oui, mais voilà, il m'a pas giflé. Non, écoute, Marceline, mon petit, j'arrangerai tout. Hein? Tu verras ton Alexandre tous les jours, mais pars pas. Si, si, si. Alors, c'est vrai, tu veux pas rester? Non. Une fois, deux fois, trois fois. Non! Bon, eh bien, en tout cas, j'aime mieux te prévenir tout de suite, avec Alexandre, ne compte pas sur moi. J'aurais pas besoin de toi. Ouais, ben, je parle pour après. Pour après quoi? Pour après ton amour. Oh oui, hein? Oui, oui, ben, et j'irai même plus loin. Si tu romps avec Jeff, tu romps avec moi. Ah, oh, mais... Ben, c'est du chantage. Je sais pas. Justement, de faire comprendre où est ton intérêt. Je me soucie bien de mes intérêts. J'ai pas dit tes intérêts, j'ai dit ton intérêt. Oh, tu me fatigues. Alors ça va recommencer, hein? T'en as déjà assez d'être honorable, d'avoir une situation assise, une famille, un foyer. Quoi, hein? Ça va recommencer, les meublés, la poste restante, les fins de mois qui durent 3 semaines, hein, dis. Mais pas du tout, Alexandre est très riche. Bien plus riche que Jeff. Ah? Et généreux. Il a même pensé à toi. Hein? Oui. Il m'a prié de te remettre ce portefeuille. Un petit souvenir. Bon. D'abord, c'est pas un souvenir. On se donne des souvenirs quand on se quitte. Maintenant, on va se voir tous les jours. Prends-le tout de même. Il a pensé à tout, hein. Bon, eh ben, tu diras à ce petit monsieur que je mange pas de ce pain-là. Il te connaît, il ne te croira pas. Bon. Alors dis-lui que j'en mange plus. Quoi, tu refuses? Carrément. Mais c'est inouï, pourquoi? Parce que Jeff est mon ami. Et alors? Tu n'as aucune espèce de sens moral. Oh, excuse-moi. Oui, oh, c'est un imbécile, c'est entendu. Il est prétentieux, il se croit toujours plus malin que les autres. Mais c'est un chic type, que veux-tu? Oh, toi, naturellement, tu le connais pas, tu le vois presque jamais. Si tu savais comme il est bon, il en est bête. Tiens. Tout le monde le roule, moi le premier. Mais c'est tellement facile, maintenant, ça me dégoûte. Alors, quand je vois que nous allons le quitter, là, c'est tellement infect, moi j'en suis pas. Tant pis. Non, ben, que veux-tu? Fallait pas me laisser 5 ans avec lui. Oui. Faites ce que vous voudrez, je te dis ce que j'avais à dire, mais moi je veux pas voir ça. Où vas-tu? Je m'en vais. Je suis pas curieux. Pourtant, je voudrais savoir de combien était le machin, là. Le souvenir. Tiens. terre. Quelle mufle. Oh. Allez, au revoir, Marceline. Mais t'as tort, hein. Tu seras pas heureuse avec ce type-là. Veux-tu me rendre un dernier service? À propos de Jeff? Oui. Non, je t'ai dit que je voulais pas voir ça, je m'en vais. Oh, mais non. Quoi? Oh, mais pas du tout, c'est toi qui vas lui dire. Qui va lui dire quoi? Que je m'en vais, que je le quitte. Tu te fous de moi, dis. Pas du tout. Non, bah, tu penses que je vais aller lui dire ça? Mais fais tes commissions toi-même. Tu as de l'amitié pour lui, n'est-ce pas? Eh bien, il faut que tu lui dises, que tu lui expliques. Si c'est toi, il aura moins de chagrin. Tu crois? Tu lui diras du mal de moi. Tu lui diras la vérité aussi. Tu lui raconteras tout. Oh, pas tout. Tout, tout, tout. Pour qu'il n'ait pas de regrets. Oh non, non, pas tout. Si, si, pas... si, tout. Alors, pas aujourd'hui. Non, laisse-moi le préparer, là, l'amener tout doucement. Je pars ce soir. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis pas en forme. Ah ? Non, j'aurais pas de bons arguments aujourd'hui. Puis, alors, lui dire ça sans faire de phrases. Débrouille-toi. Dis donc, t'as pas de cœur. Pourquoi ? Il s'agit pas de se débrouiller. Il s'agit de briser la vie d'un type en essayant de lui faire croire que ça n'a pas d'importance. Que je brise pas sa vie, après moi, une autre. Ouais. Applique ce raisonnement à Alexandre. Mais tu ne comprends pas. Je comprends trop bien, au contraire. Préfères-tu que je le prévienne par lettre? Oh non. Ben. Non, pauvre vieux. Alors? Ben, va le chercher, que veux-tu? Je vais lui dire que tu veux lui parler. Et puis j'attendrai là. Si tu as besoin de moi, tu n'auras qu'à ouvrir la porte. Ah, tu es calme, toi, hein? Tu es tranquille, toi. Ce que tu me dégoûtes. Oh. Marceline sort. Restée seule, Clotaire remonte son pantalon, donne un coup de brosse à son veston, arrange le nœud de sa cravate, tire ses manchettes et prend un air solennel. Jeff entre. Tu veux me parler, imbécile? Oui, Jeff. Oh, bah tant mieux, je m'embêtais, une commande interminable. Quand ta sœur m'a dit que tu m'appelais, j'ai pensé, chouette, au moins avec lui, je vais rigoler. Oh. As-tu vu la dernière photo de Marceline? Elle est bien, n'est-ce pas? Oui, oui, oui, oui. Bah, je vais la mettre ici, comme ça, elle sera partout dans la maison. Non, mais laisse donc ça, j'ai à te parler sérieusement. Ah, alors je t'écoute. Eh bien, voilà. Mon cher Jeff... Combien veux-tu? C'est ça, hein? T'as besoin d'un peu d'argent? Ah non, non, crois pas ça, hein? Non, non, non, non. Oh, bah, la bonne heure, ça marche, la musique? Pas très bien. Non, et même... parlons d'autre chose. Si tu veux. Mon cher Jeff... Parce que je peux très bien te prêter 1000 francs, j'ai fait une belle affaire ce matin. Non, écoute, tu me gênes beaucoup. Mon Dieu, que ça commence mal. Ne te gêne pas avec moi. Non, mais je sais bien. Si je te le propose, c'est que je peux le faire. Mais parle pas tout le temps de ça. Oh, ça va pas du tout. Depuis quelque temps, je te trouve d'une discrétion. Ce n'est pas naturel. Mais si, mais si. Voyons, que vas-tu t'imaginer là? Il est très naturel qu'à toujours t'emprunter de l'argent, il me soit venu des scrupules. Oh, n'emploie pas des mots dont tu ne connais pas le sens. Ouais, oh. On ne sait pas ce qui m'en coûte parfois, va. Ah, à toi aussi? Oui, on dit que je suis un feignant. On n'a pas tort. Mais si on savait ce que je la paye, ma paresse. Les soirs de rupture, tiens. Tu peux pas t'imaginer. Quoi? Non, laisse-moi parler. Quand c'est lui qui rompt, passe encore, elle pleure un peu, je me pends au téléphone, je galope toute la nuit. C'est éreintant, mais c'est pas tragique. Je sais bien qu'au bout de 15 jours, elle n'y pensera plus. Je ne comprends rien à ce que tu dis ce matin. Mais quand c'est elle qui s'en va, voir leur pauvre gueule. Oh, nom de Dieu. Ah oui? Voir tout à l'heure ta pauvre gueule à toi. Bah, explique-toi. Je m'étais habitué à toi. Bah, 5 ans, ça compte. Hein. T'es vraiment un chic type. Je parle pas des 1000 francs, car hélas, je les prendrai pas. Mais pourquoi? Raison de famille. Mais tiens, T'avais une façon de me dire. Voilà l'imbécile. C'était charmant. Tu me disais, voilà l'imbécile. Et t'es peut-être le seul à me trouver intelligent. Eh ben, tu me diras plus, voilà l'imbécile. Oh, par exemple, mais si alors ? Non. Non, mon vieux, tu me diras plus, voilà l'imbécile. Mais pourquoi tu t'en vas ? C'est pas moi qui m'en vais. Je n'ai besoin de personne d'autre que toi pour dire voilà l'imbécile. Si. Oh, tu vas pas me faire croire que c'est si difficile. Oui. Oui, je... Oui, tu comprends pas, hein. Non, oui, je vois bien. Je vois bien que tu comprends pas. Ah, rien du tout. Non. Oui, ça, je vois bien que si je continue à te parler de moi, tu comprendras pas. Non, ça, je ne comprends rien. Alors, je ferais mieux de te dire tout carrément. Hein? Oh, c'est tout de même drôle. Toi qui n'es pas capable de prendre une décision ni de dire une chose d'une façon claire, tu n'as que ce mot-là à la bouche, là, carrément. D'abord, je dois te prévenir. C'est une mauvaise nouvelle. Ah. Une très mauvaise nouvelle. Alors, dis vite. Oui, c'est pas facile. Mais parle. Je voudrais te faire comprendre. Mais parle donc. As-tu inventé ta fleur ? Non. Alors cherche plus. C'est plus la peine. Oui. Marceline s'en va, mon pauvre vieux. Qu'est-ce que tu dis ? Marceline s'en va. Marceline te quitte, Marceline part avec un autre. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Voyons, je viens de la rencontrer, elle riait, elle m'a dit « Monte, Clotaire a quelque chose à te dire ». C'était ça. C'est une blague idiote. J'ai pas de tact, mais je ferais pas une blague pareille. C'est pas toi, mais elle. Mais j'ai fait l'impossible pour la convaincre de rester. Mais de quoi te mêles-tu ? Si c'est vrai, penses-tu que je serais content de ne devoir Marceline qu'à tes conseils ? Si elle veut vraiment partir, qu'elle parte. Je ne ferai pas un geste pour la retenir. Bravo ! Quoi ? Oh ! Oh, je suis content. Oh, je suis content de voir comme tu prends bien la chose. Oh ! Marceline avait raison, hein. Après elle, une autre. Oh, mais t'as raison, va. Oh là là. Se faire du chagrin pour les femmes. Une de perdue, dix de retrouvée, comme on dit. Hein? Après elle, une autre. Dis, Jeff, tu connais le proverbe arabe? Si tu perds ton cheval, pleure et va à pied. Si tu perds ton âne, achète-en un autre. Si tu perds ta femme, achète un âne ou un cheval. Après elle, une autre. Alors, mon vieux Jeff, achète un âne ou un cheval. Ce serait vrai, elle partirait. Oui, mais tu le prends très bien, c'est entendu. Elle partirait. Oui, mais tu l'as dit tout à l'heure, qu'elle parte, je ne ferai pas un geste. C'est vrai. C'est pour ça que tu n'as pas pris les 1000 francs. Oui, c'est vrai. C'est vrai, mais ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible ! Oh, t'énerve pas, voyons. Elle part, qu'elle parte, hein ? Elle ne part pas, dis. Si, oh, si, elle part. Ça. Non, va pas te faire des idées, elle part. Mais t'as pas à la regretter. Elle part ? Oui, mais ma sœur est infecte. Elle est infecte, ma sœur. Tu te souviens de ce que disait Richard ? L'atmosphère louche, les petits mensonges de tous les jours, la poste restante, les histoires de bonne, eh ben c'est vrai, tout ça, c'est vrai. Oh non ! Elle ment comme elle respire. Si tu savais comme elle t'a menti... Menteur ! Oui, j'étais un menteur quand je mentais pour elle, avec elle ! Marceline, c'est vrai ce qu'il dit. Non, mais ne la regrette pas, ce serait trop bête, la regrette pas. Si tu savais ce qu'elle t'a fait... Tout ce que disait Richard était vrai. Tu entends tout. Ce n'est pas possible. Ah oui, mon pauvre vieux. Elle me ressemble. Elle te ressemble. Hein? Elle me ressemble, mon pauvre vieux. Non. Oh, tu peux discuter. Alors, clos. Tu dis qu'elle ment ? Oh là là. Mais est-ce que tu dis, enfin, qu'elle me trompe ? Ben, non, si elle part, elle ne me trompe pas. Non, je ne te parle pas de celui-là. Est-ce qu'elle m'a trompé ? Tu veux savoir ? Oui. Tu tiens beaucoup ? Oui. Crois-tu que cela te détacherait d'elle ? Oui. Alors, oui. Elle va à la poste restante, par exemple ? Non, c'est la bonne qui va. Ah oui, la bonne. La bonne. Je n'avais pas pensé à la bonne. À cause de la bonne, je vais tout croire maintenant. Ouais, tu peux. Oui, en somme, elle ne m'a jamais aimé. Hein? Alors, je vais pas jusque-là. C'est encore heureux. À un moment donné, elle t'a même beaucoup aimé, c'est certain. Tu as vraiment bien bon d'en convenir. Elle t'avait trouvé très gentil, très épatant. Je crois que tu aurais pu la garder. Peut-être. Malheureusement, tu l'aimais trop. Je l'aimais trop. Ben oui, mon pauvre vieux. Elle est infecte, ma sœur. Mais infect ! Oh, je peux pas t'expliquer, tiens. Si je te disais ce que t'aurais dû faire, t'en reviendrais pas. Mais ne me le dis pas, je n'aurais pas pu, j'en suis sûr. Mais moi, je sais ce qu'elle attendait de toi. Parce qu'elle me ressemble. Comprends-tu ? Et c'est toi qui viens me dire tout ça. Toi qui lui dois tout. Toi pour qui elle a été si gentille. Pardon ? Oh, tais-toi maintenant, hein. J'ai voulu voir jusqu'où tu irais, mais toutes mes prévisions ont été dépassées. Ça, je savais que tu n'avais pas beaucoup de scrupules, ni de noblesse dans le caractère, et pourtant, à ce point-là... Mais dis donc ! Mais sans elle, que seras-tu, hein ? Que deviendras-tu quand elle ne t'imposera pas partout à force de sourire ? Tu n'as pas pensé à ça ? Mais laisse-moi parler, et que t'a-t-elle fait ? Elle t'a refusé de l'argent ? Elle t'a interdit de m'en demander ? C'est elle qui m'a dit de te prévenir ! Elle prétendait que par moi, t'aurais moins de chagrin. C'est elle. C'est elle aussi qui m'a dit de t'apprendre la vérité sur son caractère. Ses mensonges, au besoin, ses trahisons. Non, c'est pas possible. Oh, non. Non, non, non. Non, non, bon, eh ben, elle est derrière cette porte. Elle attend le résultat de notre conversation. Tout ce que je t'ai dit, elle te le répétera. Puisque tu me crois pas, ouvre la porte. Va. Si elle est là, c'est qu'elle part. C'est qu'elle t'a trompé, c'est que j'ai raison. Allez, ouvre la porte. Va, ouvre la porte. Marceline. Oh, je savais bien que tu mentais. Dis-lui, toi. Dis-lui, tiens, fais tes commissions toi-même. Il veut pas me croire. Il ne veut pas me croire, comprends-tu ? Et tu vas quitter cet homme-là. C'est vrai, Jeff. Je pars. Tu pars définitivement ? Définitivement ? Oui, Jeff. Pourquoi ? Figure-toi... Tais-toi. Bon. M'oblige pas à te le dire. C'est impossible, il y a un malentendu. Quel malentendu peut-il y avoir ? Je m'en vais. Enfin, qu'attends-tu de moi ? Que veux-tu ? Dans quel but as-tu organisé cette petite comédie ? Je ne veux rien que partir, et ce n'est pas une comédie. Vraiment ? Alors, où est ta malle ? Où sont tes bagages ? Tu partais sans rien ? Sans rien. Elle a tout de même tous ses bijoux sur elle. Comme c'est vraisemblable. Il faut me croire. Chef, je vais partir. Non, ton histoire ne tient pas debout. Pourquoi serais-tu resté derrière la porte pendant que Clotaire me prévenait ? Il fallait te dépêcher de t'en aller. J'estimais que je te devais une dernière entrevue. Mais tu n'as donc pas peur que je t'attendrisse ? Non. Oh. Si je te croyais, je sangloterais, je me traînerais à tes pieds. Le supporterais-tu bien ? Je me vois d'ici, ce serait épouvantable. N'est-ce pas, Clo-Clo ? Oui, naturellement. Épouvantable. Tu es extraordinaire, mon pauvre Jeff. Non, je te le répète. Si tu as envie d'une nouvelle voiture ou d'une autre bague, tu n'as pas besoin d'employer des procédés pareils. Et là, encore une fois, que veux-tu ? Puis finissons-en avec cette blague sinistre. Alors tu ne me crois pas ? Ah non. Et si tu ne me revois pas ce soir à dîner, tu ne me croiras pas encore ? Non. Et demain ? Demain, peut-être, oui. Demain, c'est... Mais Pourquoi veux-tu pas te faire à cette idée tout de suite? Parce qu'on ne quitte pas son mari pour un oui ou pour un non. Non, c'est, mais si elle... Tais-toi, hein, tais-toi. Ben bon. As-tu quelque chose à me reprocher? Là n'est pas la question. Elle n'est que là, au contraire. Ne me pousse pas à bout, Jeff. Tu veux savoir pourquoi je m'en vais? Oui. Prends garde, Jeff. Je vais te faire beaucoup de peine. J'attends. Eh bien, je te quitte parce que j'aime un autre homme. Parce que je l'aime depuis 6 mois et que je ne peux plus vivre sans lui. Allons donc. Quoi? Tout ce que tu dis est idiot. Comment pourrais-tu aimer un homme depuis 6 mois? Nous ne nous quittons jamais. Je t'en ai donné l'impression, oui, mais je le voyais au moins 2 heures par jour. 2 heures par jour? Non, c'est tordant. Grâce à lui. Non, tais-toi, oui, tais-toi, toi. Bon. Une simple question. Quand prétends-tu avoir décidé de partir? Jeudi. Alors là, tu tombes mal. Jeudi, tu as passé toute la journée avec moi. Pas toute la journée. Toute la journée. Non, je suis allée chez le coiffeur, rappelle-toi. Oh, 1 heure. Vous avez décidé ça en 1 heure? Oui, Jeff. Mais quel gosse, quelle folie. C'est peut-être une folie, mais je vais la faire. Elle va la faire. Mais non, je ne crois pas à ce coiffeur ni à ce petit jeune homme. Comment sais-tu que c'est un petit jeune homme? Mais je te donne tout le reste. Tu n'as pu lui demander que ce que je n'avais pas. Enfin, si je te faisais voir des lettres. Oh, des lettres. Oh, ça, il a raison, des lettres. Des photos. Tu veux me rendre jaloux? Tu trouves que je ne t'aime pas assez? Oh. Il n'y a rien à faire, je te dis. Il n'y a rien à faire. Tu es furieuse de voir que j'ai confiance en toi. Je te dis que je pars. Ce que tu fais est très fort. Je ne comprends pas très bien pourquoi tu le fais, mais c'est très fort tout de même. C'est un bon moyen pour se faire apprécier à sa vraie valeur. Mais pauvre imbécile! Ah, tu vois, tu viens d'exagérer. Une femme qui quitterait vraiment son mari n'oserait jamais dire une chose pareille. Pardon pour ce mot-là. Mais c'est coup-ci, tu me rends folle. Mais je ne veux pas croire à mon malheur. C'est bien naturel. Hé? Tu me mets dans une situation très difficile, mon petit Jeff. C'est pas drôle de dire à un homme qui a toujours été très bon qu'on en aime un autre. Je te l'ai dit, tu me crois pas. Je croyais avoir quelque expérience des hommes, mais il paraît que non. Quand je t'ai dit « j'aime quelqu'un », tu n'as pas bondi. Tu t'es dépêché de te rassurer en invoquant des petites impossibilités matérielles. Tout ton caractère est là-dedans. Tu te dis « elle m'aime » puisqu'elle est toujours près de moi. Mais naturellement. C'est pas si facile d'être aimé, mon pauvre Jeff. L'amour, vois-tu, l'amour, c'est... Ta sœur s'énerve d'attendre. Oui, bon. Toi, tu sais ce que je t'ai dit, hein? Puisque tu quittes Jeff, tout est fini entre nous. Je vais travailler. Bon courage. Toi, n'aie pas de chagrin. Ne me garde pas rancune de ce que j'ai dû te dire. Je t'aime bien. Je voudrais rester seule avec elle. Oui. Oui, laisse-moi tout de même te remercier de l'avoir épousée. Pour la famille, aussi parce que ce qu'elle fera maintenant aura moins d'importance. Ce sera une divorcée. Oh. Une divorcée. Merci pour tout. Hein, pour tout. Allez, va-t'en, tu comprends bien que je veux lui parler tout de suite. Oui. Oui. Alors, adieu, hein? Adieu, imbécile. Tu disais donc? Moi? Oui. Tu disais quelque chose à propos de l'amour. Excuse-moi, Jeff. J'ai été méchante avec toi. Il y a des choses qu'on ne dit pas, je le comprends bien, va. Ayons des adieux gentils. Tu as toujours été très bon. Je te remercie. Tu ne mérites pas le mal que je te fais, c'est incontestable. Non, mais à propos de l'amour, qu'est-ce que c'était? Quoi bon, tu ne pourrais pas comprendre. Oh, dis donc, je sais aimer aussi, moi. Mon pauvre grand. Quoi? Bah alors, tu t'imagines qu'aimer, c'est cette petite chose tranquille. Quelle chose tranquille? Tu t'imagines qu'on est heureux quand on n'a qu'à se laisser aller. Mais Marceline... Mais si c'était ça, l'amour, je t'aurais aimé, je te le jure. Mais ne t'énerve pas, l'amour, mon... L'amour, Jeff, l'amour, c'est d'être toujours inquiet l'un de l'autre. C'est se dire, où est-il? Que fait-il? Pourquoi m'a-t-il dit ce mot-là sur ce ton? Pourquoi était-il en retard au rendez-vous? Donc ça, c'est de la jalousie. L'amour, Jeff, c'est se dire, mais qu'est-ce qu'il va penser de cette robe, pourvu qu'il ne se fâche pas de cette réflexion que j'ai faite. Ça, c'est ton amour, Marceline, ton tout petit amour. L'amour, Jeff, c'est encore... Tu vas me faire un cours? Mon pauvre grand. Je te demande pardon, mais je pourrais, car tu sais pas ce que c'est. Vraiment? Tu dis que tu m'aimes, tu n'as même jamais eu envie de me faire du mal. Ah non, ça jamais, excuse-moi. Je suis sûre que tu penses que si je tombais malade maintenant, je n'aurais personne pour me soigner. Oh, mais c'est vrai, tu n'aurais personne pour te soigner. Eh bien, je t'en veux de penser ça. Je t'en veux de ne pas penser, si tu me quittes, tu peux mourir. Oh! Oui, je t'en veux de n'avoir jamais cru plus vite à mon départ. Je t'en veux de ne pas me haïr. Mais tu es complètement folle. Mais je veux te laisser des regrets. Alors, il faut que je t'explique les choses. Je ne suis pas la femme que tu crois et que tu aimes. Heureusement, d'ailleurs, car cette femme-là, tu serais capable de l'oublier. Mais tu es là, tu t'énerves, tu vas. Et cette femme-là, celle que tu me crois, même en te quittant, te brisant le cœur, elle a l'air d'une sacrifiée. Tu te trompes entièrement. Je veux que tu saches la femme que je suis réellement. Mais qu'en sais-tu toi-même? Je ne veux pas rester pour toi cette espèce de souvenir fade. Tu auras tout le temps de me faire changer d'avis puisque tu restes. Tu en es encore là? Mais alors pourquoi t'aurais-je dit tout ce que je t'ai dit? Quelle explication donnes-tu à ma conduite? Aucune. Avec les femmes, il ne faut pas chercher à comprendre. Pourquoi ne crois-tu pas que je vais te quitter? Mais à cause de mon amour, voyons, tu le sais bien. Quoi? Tu m'aimes pour mon amour, donc tu m'aimeras toujours. C'est la seule raison? La seule raison. Et elle me suffit. Elle te suffit? Lily, je voudrais te raconter une histoire. Mais c'est pas le moment. Au contraire, écoute. Il était une fois un curé. Je la connais. Non, tu ne la connais pas, c'est moi qui l'ai inventée. D'ailleurs, c'est drôle, toutes les fois que je te raconte une histoire, tu me dis d'abord je la connais, c'est énervant. Pardon. Non, écoute mon histoire. Voilà, d'ailleurs, je n'aurais pas dû la commencer ainsi, j'aurais dû dire. Il était une fois un prêtre, oui, voilà. Il était une fois un prêtre, très simple, très bon et très heureux, car il avait la foi. Un jour, hélas, pour une raison ou pour une autre, il la perdit. Dès lors, et pour ne pas mentir à ses fidèles, il tenta de la retrouver. Il refusa d'approfondir les choses. Il allait sans cesse se répétant « Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu. » Sa confiance fut récompensée. Un matin, il se réveilla en y croyant. Et alors? C'est tout. Drôle d'histoire. Et moi aussi, Lily. Je crois en toi. Je crois en toi. Je crois en toi. Pourquoi m'as-tu raconté cette histoire, Jeff? Bon. Si tu pars vraiment, pourquoi te préoccuper de si peu de choses? Qu'est-ce qu'elle signifie, Jeff? Je ne sais pas. C'est toi le curé? Je ne sais pas. Mais maintenant, je t'ai dit tout ce que j'avais à te dire. Adieu. Oui. Oui. Sois heureuse avec ton petit jeune homme. Mais tu me regretteras vite, c'est moi qui te le dis. Tu vas me laisser partir sur cette histoire idiote? Oui. Tu m'embrasses pas? Non. Oh, pourquoi, Jeff? Embrasse-moi, dis, Jeff, embrasse-moi, voyons, dis. Que je sente bien que tu me pardonnes. Mais petite sotte, tu ne vois donc pas que je sais tout? Que je ne crois pas à tes discours, ni même à ton petit jeune homme. Mais voudrais-tu vraiment partir? Je sais très bien que tu ne partirais pas. C'est toi qui m'en empêcherais peut-être. Ah non, certes, je ne ferai pas un geste, pas un geste. Je l'ai dit à ton frère. Alors qui? Mais toi, mon petit toi. Moi? Oui, tu es une femme de devoir maintenant. Moi? Mais oui, toi. Oh, oh, tu es fou. Je t'écoutais tout à l'heure, mais tu ne te connais pas du tout, mon chéri. Ah non? Oh, mais alors pas du tout. Et l'amour, et les rendez-vous, et l'envie qu'on te fasse du mal. Je ne suis pas ça. Ah non, alors. Bah, tu m'étonnes. Vous êtes extraordinaires tous. Vous en êtes restée la femme qui trompait Richard. Mais oui, oui, je... Tu n'es pas du tout la femme que tu... Pas du tout. Oh, dis-moi la femme que je suis. Eh bien, d'abord, tu es la droiture même. Il n'y a rien de louche en toi, rien de trouble. Tiens, tiens. Certainement, je te connais, tu penses, je vis depuis 5 ans avec toi. Depuis 5 ans, je t'observe. Non, j'ai assisté à ton évolution, mon petit. J'ai vu comme tu t'es lentement transformé. Comme tu as pris vite en horreur les mots grossiers, les plaisanteries grivoises, Clotaire lui-même l'a remarqué, il ne savait plus de quoi parler. Oui, c'est vrai, oui. Et les bonnes que tu as renvoyées quand tu n'étais plus sûre de leur conduite. Oui, oui, oui. Alors, je te donne des exemples un peu gros pour mieux me faire comprendre, mais tu as changé en toute chose de la même façon. Oui, c'est possible. Tu as gardé ta grande indépendance, oui, ta méchanceté un peu inconsciente, mais je te le répète, tu voudrais me quitter maintenant que tu ne le pourrais pas. Ah oui? Tu aimes les enfants maintenant, Marceline? Oh, parle encore. La femme que tu étais avant ton mariage te fait horreur, mais j'en suis sûre. Regarde comme tu parles de tes anciennes amies. Oui, oui, oui. Oh, je oui. te connais. Je sais quel être adorable et pur tu es devenu à ton insu, peut-être. Et celui-là ne m'abandonnerait pas. Je serais vieux, perclus et malade que tu resterais. Sans t'apercevoir peut-être de la grandeur de ton sacrifice. Il faut en prendre ton parti, mon pauvre chou. Tu es un ange. Oh non. Oh, en tout cas, une femme gentille, ce qui est aussi bien. Me quitter, toi. Laisse-moi rire. Je ne te quitterai pas. Mais pourquoi me quitterais-tu? Je ne suis pas femme psychologue, mais depuis 5 ans que je ne pense qu'à toi, alors forcément, je te connais, je suis un spécialiste. Un spécialiste de Marceline. Pardonne-moi. J'ai deviné ton secret, mais les autres ne le sauront pas, rassure-toi. C'est parce que je connais les fleurs que je t'ai comprise. Mon secret? Je vais te le dire, si tu veux. Le secret des fleurs, c'est leur orgueil. Le tien aussi. C'est d'elles-mêmes qu'elles sont amoureuses. Ah. Pourquoi me quitterais-tu? Tu es amoureuse de toi. Comme tu m'aimes. Oui. Je crois que je t'aime assez bien. J'ai honte d'avoir voulu te faire un cours tout à l'heure. Oh, n'aie pas honte. On croit toujours être le seul à savoir. Approche-toi. Je voudrais te dire quelque chose. Voilà. Je crois. J'en suis pas bien sûre. Je voudrais pas te donner une fausse joie. Mais... il me semble que je t'aime, Jeff. Mais bien sûr, mais naturellement. Oui, je t'aime. Ah, oh, tu vois bien. Je t'aime parce que je sais pourquoi. Tu seras mon mari, mon frère, mon associé, mon camarade et mon complice. Oh, je pourrais être tout ça. Je viens même de comprendre que tu pourrais être mon amant aussi. Tu me gênes beaucoup. Je sais que tu m'aimes comme je veux être aimée. Les premiers jours de notre mariage, tu as su être mon amant. Tu n'avais pas encore oublié tes amours anciens. Après, tu m'aimais trop, tu m'aimais mal. Tu m'adorais. Non, tu m'ennuyais. Je comprends pas très bien. Trop de pudeur, Jeff. Trop de pudeur. Tu me respectes trop, comprends-tu? Je suis ni une jeune fille, ni une vieille femme. Ça, je le sais bien. Il y a des moments où je me demande si je te plais. Si tu me plais... physiquement. Tu es bête. Tant mieux. Alors, Marceline, maintenant que tout ça... Comment Marceline, tu es fâchée? Oh non, Lily, pardon. Ma Lily. Alors, Lily, maintenant que c'est fini, dis-moi la vérité, n'est-ce pas que c'était une blague? Mon départ? Oui. Pas du tout. Je voulais te donner une leçon. Je te trouvais trop sûre de moi, trop mariée. Oh, j'avais bien compris. Et si peu une blague, que le petit jeune homme va sans doute téléphoner tout à l'heure, quand il verra que je ne suis pas au rendez-vous. Oui, je comprends tout. Je sais de quoi tu es capable quand tu aimes. Ce gamin te faisait la cour depuis longtemps, tu t'es dit, je vais m'en servir contre Jeff. Pauvre gosse. Oh, ne le plains pas. Qui est-ce? Alexandre Renaud. Qu'est-ce que c'est que ce Renaud? Un petit blond, qui danse bien. Tu me feras le plaisir de le prier de danser avec d'autres. Hein? Tu vas pas être jaloux maintenant. Toi qui l'étais pas avant. Avant quoi? Avant que je t'aime. Je ne suis pas jaloux, mais tu diras tout de même... Ah, soit, je le lui dirai. Merci. Allons chercher Clo-Clo. Non, restons seuls ce soir, tous les deux. Si tu veux. Puis je voudrais te demander quelque chose. Appelle-le Clotaire, maintenant. Clotaire. Oh non, écoute, Clotaire, c'est tordant. Ah, fais-moi plaisir. Oh, ben, je préfère l'appeler imbécile. Mais pas Clo-Clo, en tout cas, plus jamais. Clo-Clo. C'est serait ce renom? Certainement. Tu ne m'adores plus. Je te le jure. Tu ne me respectes plus. Je te le jure. Alors viens. Chant de la lune. Il la suit et le téléphone appelle en vain une Marceline qui ne partira pas encore cette fois-ci. Ainsi se termine la comédie de Marcel Achard que la Comédie Française a eu le plaisir d'interpréter ce soir pour vous, Jean de la Lune, interprété par messieurs Jacques Charon, Robert Hirsch et René Arrieux, mademoiselle Yvonne Godot, Denise Jans et Magali de Vandeuil. Comédie Française interprète pour vous les chefs-d'œuvre du théâtre comique, une production de Jacques Régnier et Jean Debert. Aujourd'hui, Jean de la Lune de M. Marcel Achard. Ceux de nos auditeurs qui ont pris plaisir à Knock jeudi dernier ne seront pas moins satisfaits d'écouter aujourd'hui la Comédie Française jouer Jean de la Lune. L'œuvre de Marcel Achard aura pour interprète féminine principale mademoiselle Yvonne Godot. Monsieur Jacques Charon est Jeff, Jean de la Lune. Monsieur Robert Hirsch, Clo-Clo, le frère de Marceline. Et monsieur René Arrieux, Richard, l'homme que Marceline a trahi. Marceline est servie par Louis, c'est-à-dire Denise Jans, mais ça ne dure pas. Elle change souvent de bonne, vous verrez pourquoi. L'autre bonne, Étiennette, c'est Magali de Vandeuil. Après le journal parlé, qui suit immédiatement la fin de ce deuxième acte, vous pourrez entendre le 3. Vous avez reconnu Yvonne Godot dans Marceline, Jacques Charon dans Jeff, Robert Hirsch dans Clo-Clo, René Arrieux dans Richard, Denise Jans dans Louise, Magali de Vandeuil dans Étiennette. La pièce a été représentée sous la direction artistique de Jacques Régnier. Et oui, et puisqu'il nous reste encore quelques minutes, je te laisse avec Marcel Iskowski pour les dernières nouvelles et les derniers potins de la maison. Écoutez, ce sont plutôt des nouvelles que des potins. À notre dernière émission, nous nous réjouissions de la rentrée de René Faure, qui a été un peu retardée par une grippe qui, très heureusement, n'était pas asiatique. René Faure est rétabli, nous l'avons vu hier dans les couloirs de la maison de Molière, et la première publique du Maître de Santiago aura lieu le lundi 10 février à la salle Richelieu. Pour une fois, et le fait est si rare qu'il mérite une explication, la présentation à la presse n'aura lieu que le jeudi 20 février. Pourquoi ? Parce que vous savez qu'en principe, et même en vérité, quand on fixe une date de générale, il faut toujours prévenir le syndicat des directeurs de théâtre. Lorsque mademoiselle René Faure est tombée malade, le syndicat nous a fait connaître que la première soirée libre pour la critique se trouvait être le 20 février. Pour ne pas décaler le programme de la saison de la Comédie Française, pour ne pas nous rencontrer non plus avec un autre théâtre dont nous aurions pu gêner les efforts, l'administrateur, d'accord avec M. Henri de Monterland, a décidé de jouer le Maître de Santiago dès le 10 février et, sagement, nous attendrons le 20 février pour présenter cette œuvre à la critique. Mais ça n'est jamais arrivé, enfin, il y a très longtemps que ça n'est pas arrivé à la Comédie Française. Non, quelquefois, on a rodé deux ou trois fois, si j'ose dire, en public, et la générale a eu lieu trois jours après, mais il n'y a jamais eu ce décalage de 10 jours. En tout cas, nous nous réjouissons tous de la santé de René Faure et de la possibilité qu'elle a maintenant de jouer le Maître Santiago. Qu'est-ce que vous avez d'autre comme nouvelle? Est-ce que le comité est nommé? Non, le ministre de l'Éducation nationale n'a toujours pas choisi les trois sociétaires qui font partie du comité d'administration. On sait, bien sûr, que M. l'administrateur a proposé des noms, mais aucune signature n'est encore apposée. Soyons patients, le ministre sûrement signera très prochainement. On n'a aucune idée des raisons qui retardent la signature. Aucune. Est-ce que il nous reste encore quelques minutes, cher Jean de Berre, pour évoquer un garçon que j'aime beaucoup, qui devrait être ici ce soir, mais je crois qu'il est enfermé à Versailles, car lorsqu'il travaille, on est obligé de l'enfermer. Comme ça, on est sûr qu'il ne peut pas s'en aller. Je voudrais parler de Marcel Achard. Ah ben, c'est l'occasion ou jamais. Au point où nous en sommes maintenant, nous sommes en train d'écouter son Jean de la Lune. Vous savez qu'il prépare un film qui s'appelle La femme et le pantin. Alors, il doit écrire des dialogues et on a dû l'enfermer quelque part à Versailles. Mais ce Lyonnais, paraît-il, voulut d'abord être comédien. Et on prétend qu'il se présenta au Conservatoire de Lyon dans une scène de Cyrano. Il était coquet déjà, il retira ses lunettes, et comme il ne vit pas le décor dans lequel il évoluait, il fit un vol plané qui produisit un excellent effet comique, mais qui brisa, je crois, sa carrière lyonnaise. C'est dommage, parce que dans Cyrano de Bergerac, c'était particulièrement indiqué. Pas oui. Qu'on ait dit « voilà dans la lune », ce qui rappelle Jean de la Lune, ou bien dans les étoiles, ce qui indique bien le décor. C'est en 1918 que ce Lyonnais descendit à Paris, et comme il aimait toujours le théâtre, le premier emploi qu'on lui a trouvé était un emploi de souffleur. C'était au Vieux Colombier, mais il avait une profonde admiration pour la jeune première, et il la regardait lorsqu'il devait lui donner la réplique. Ce qui fait qu'il oublia même de donner cette réplique et que cette carrière de souffleur fut extrêmement rapide. Il fut congédié, et ce sont ses amis Henri Béraud et Pierre Cise qui lui trouvèrent son premier emploi de journaliste à l'œuvre. Mais on ne sait pas si ce dramatique événement avec la jeune première a eu des suites, si la jeune première était reconnaissante d'un hommage aussi dangereux. Je ne crois pas, elle a simplement dit « cet idiot souffleur ». Comme journaliste, on lui a donné comme première rubrique « Les Halles ». C'était bon pour le mettre à l'œuvre. C'était bon pour le mettre à l'œuvre, et je dois dire qu'il s'est trouvé un soir à 9h, il n'y avait aucun journaliste à la rédaction et il fallait absolument trouver quelqu'un pour faire un papier sur des diplomates allemands qui étaient, je crois, à Vaucresson. C'est bien, c'est tout de même assez loin des Halles. Oui, le rédacteur en chef n'avait exactement personne. Il a dit tant pis, on va envoyer Marcel Achard. On lui a donné un peu d'argent pour qu'il puisse prendre un taxi. Et avant d'arriver à Vaucresson, il a trouvé sur la route des gens qui étaient en panne. Comme il a bon cœur, il leur a dit « Vous allez à Vaucresson, je vais vous dépanner. » Et il a voyagé avec Topping, qui était un des meilleurs correspondants diplomatiques de l'époque. Et pour le remercier, Topping fournit à Marcel Achard la matière d'un papier sensationnel qu'Achard devait donner le lendemain à l'œuvre. Tout le journal n'en revint pas, et Marcel Achard non plus. Mais je crois que c'est son seul grand papier politique, car peu de temps après, il est entré à Bonsoir avec une équipe jeune et avec son ami Henri Janson. Et là, il a commencé à faire de très brillantes chroniques qui étaient plus brillantes, je crois, que ses premières pièces qui s'appelaient « La messe édite » et « Celui qui vaut sa mort » qui furent deux à succès notoires. Et c'est en 1923 qu'il a donné à l'atelier « Voulez-vous jouer avec moi ?» qui a été, chez Charles Dullin, son premier grand succès. Depuis, Marcel Achard a beaucoup écrit. Et vous savez que son dernier triomphe est Patate, sans oublier Domino, que la Comédie française vient de reprendre avec beaucoup de succès. Un jour, on a demandé, je pense que c'était pour faire une enquête dans un magazine, on a demandé à Marcel Achard « Quel est le mot d'esprit que vous préférez ?» Et il a répondu « C'est un mot d'Henri Heine. Quelles que soient les larmes qu'on pleure, on finit toujours par se moucher. » Tiens, moi, je croyais que c'était de Marcel Achard, ce mot-là. Ben non, vous voyez, c'est de Henri Heine. Ben, il lui ressemble tellement qu'on pourrait croire qu'il est de lui. La Comédie française a interprété pour vous, dans les chefs-d'œuvre du théâtre comique, Jean de la Lune, comédie en trois actes de M. Marcel Achard, avec le concours de Messieurs Jacques Charon, Robert Hirsch et René Arieux, et de Mesdemoiselles Yvonne Godot, Denise Jans et Magali de Vandeuil. C'était une émission de Jacques Régnier et Jean de Berre.